Enfin, hey, un nouvel épisode du Geek Collectif disponible, mais à 50%. Ça, on va y revenir dans quelques instants. Fait que plusieurs mois de montage. Un show enregistré en octobre. Gros problème audio. On a réussi à récupérer le tout. Honnêtement, c'était un épisode qui nous tenait à cœur. C'était le 99e. On avait, un peu de fun pendant le podcast, donc il y a peut-être des micros qui n'ont pas été balancés aussi bien que le reste, puis on avait un invité de marque, donc on voulait s'assurer que tout soit en règle et en bonne et due forme. Donc, on va adresser l'éléphant dans la pièce. Pourquoi 50%? Mais c'est simplement qu'il y avait trop de contenu avec un épisode de plus de 3 heures, puis honnêtement, c'était un peu inconcevable de couper plus. Donc, en premier lieu, merci à Olivier Landry. Oli, un gros merci pour ta patience, puis surtout d'être revenu au show. Hey, honnêtement, t'es un des invités les plus appréciés qu'on a eu, autant par le public que par le show. Donc ça, c'est vraiment génial. Olivier Landry de l'excellente boutique Expérience Bière au 1751 Amherst, Montréal, Québec, H2L 3L7. On veut également dire un gros merci à notre invité spécial slash crasher, Dom Papacassette Bourret, qui est venu crasher le show avec du knowledge brassicole. C'était vraiment cool de t'avoir avec nous autres, Dom, aussi. Donc, guys, ben, bref, je pense que j'ai assez parlé, fait que c'est avec un plaisir qu'on vous présente l'épisode 98-99, une expérience bière. En fait, d'après un livre que j'ai lu qui est Et la bière fut, qui est un livre québécois sur la fabrication. Comment dire par Budweiser? Non, pas du tout. Sur la fabrication de la bière, qui est un excellent livre d'ailleurs. On explique que la Budweiser, c'est une bière parfaite parce que c'est une lager. Puis le but d'une lager, c'est que il y a. Quand une aile est brassée, la levure des ailes va manger le sucre puis rejeter des molécules qui vont créer une richesse de goût. Mais dans le cas d'une lager, on veut éliminer ces molécules-là. On fait fermenter plus longtemps pour que la levure elle mange ces molécules-là. Mais dans le cas d'une Budweiser, on s'assure qu'il reste plus rien. C'est une bière parfaite parce que la levure goûte à rien. Apparemment, il y a une équipe de chimistes qui travaille de vraiment fort pour s'assurer que la levure goûte à rien, puis c'est dans ce sens-là qu'elle est parfaite. Fait qu'on voudrait dire que une bière fade, c'est donc une bière parfaite. Une lager clean n'est pas nécessairement fade. Ça revient à mode des lagers clean. On va en parler avec la première bière qu'on va boire. Good. Cool. Puis j'aimerais faire chanter à Ghislain Durand pour une raison. Il est comme Budweiser curses. Je pense qu'il aime pas. C'est quoi? Il rêve que la Canadienne goûte aussi bon qu'une Budweiser. Je suis pas sûr. Bon, fait que sur ce... un beau like pour Ghislain. C'est un de nos collaborateurs. Un des collaborateurs du Geek Collectif. Bon. Fait des textes assez fait des très bons controversés, textes. Mais des bons textes. Des bons textes. Alright, guys. Êtes-vous prêts à faire ça? On est prêts. Comme Will dit, le Mexican Shooting Rig, y est-tu... Ça m'inspire pas confiance, la tige qui a l'air de s'en prendre pour sa propre vie. Ça shake autant que... Et tabarnak! Oh, oh boy! Oh! Oh! Eh boy, tu vis dangereusement, Eric. Hey, c'est une insulte, ça, Iwano. La Bud, ça goûte quand même un peu de la bière. Fait que c'est ça. Mais ça goûte quand même un peu l'eau aussi. Fait qu'il y a pas... C'est un cas où tout le monde a raison. Hey, Lucky Luke, calme-toi avec tes trois petits dots. On est la bonne bière qui s'en vient. Bon, hey, mais pointe donc l'invité au lieu de me pointer. Ouais, excuse. Au lieu que j'ai l'air d'un petit gant pinetance. Tu sais, on a quand même Olivier. Qui a l'air pinetance. Ouais, là, c'est toi qui est... Ta pinetance. Pourtant, il est encore. OK, là, il est sous moi. On peut commencer, anyway, On peut commencer. Bon. Ça fait bizarre, je suis pas à la maison puis j'ai pas mes écouteurs. Ah, mais... C'est mon safe zone, mes écouteurs. Je vais mettre tes écouteurs à toi. Le live est parfait selon les standards de Burkina Faso. Ça, Jérémy, c'est quand même drôle. Le pire, okay, c'est que avec la live map sur Facebook, là, je suis comme tenté d'aller écouter des lives du Burkina Faso. Non, on commence ça. Let's go. On a tout ça, on a tout le pouvoir de faire ça. Si vous êtes dans live et nous entendez, gênez-vous pas de poser des questions ici depuis là. Si vous voulez insulter la qualité, ben, allez-y. Excuse-moi là, c'était la bienvenue de faire un podcast à ta manière. C'est ça, c'est la bonne réponse ça? C'est une réponse qui est adéquate. Adéquate. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, le podcast, épisode 99. Oh! 9, 9, 1 avant le 100, saison 1, 99. L'épisode au Centre Bell s'en vient à grands pas! Ah, certainement, ça va être incroyable, un gros tailgate juste avant. Comme toutes les shows. Comme toutes les shows, on fait tout le temps tailgate à notre façon, sans le barbecue, sans être dehors, avec une bière. C'est ça. L'essentiel, bref, sans le cop, ouais, c'est ça. Donc, mon nom est André Paquette, votre humble animateur, accompagné ce soir de... Moi, Jonathan Milter. Faut-tu juste parler dans le micro, par exemple? Je savais pas que c'était à moi que t'allais pointer. Ah, ben, c'est pas grave, gars, j'ai fait exprès. Ben, c'est correct. Ça va, Joe? Oui. Ça va. Très bien. Good. Accompagné également d'Éric Hébert, notre humble hôte de la soirée. Ça va bien, André? Ça va super bien. J'ai chaud au cœur en ce moment parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas rec chez nous, même si on faisait ça souvent au début, ouais, dans mon ancien condo. Puis là, ben, on est dans notre nouvelle demeure, direct sur le bord de la Winnipeg. Puis on est dans Schlager Represent. Puis c'est pour ça que le live, en fait, est sur un téléphone en ce moment. Il y a du monde là, pour l'enregistrement. Ils vont se demander pourquoi on dit ça. Mais on a un live sur... Fini. Hein? Studio est pas fini. Exact. Mais c'est parce qu'en plus, on a un super de beau studio chez André avec un méchant beau setup, mais là, on s'est arrangé pour que ça soit plus simple. Puis Olivier, évidemment, juste à côté, c'est un voisin. Exactement. Puis c'est ça. On va avoir un crash peut-être tantôt aussi, surprise à venir. Accompagné également d'un de nos invités les plus marquants au collectif, 4 ans plus tard, Olivier Landry. Même pas de joke, là. Salut. C'est un épisode qui se télécharge encore. Il y a encore des downloads vraiment actifs, puis on a encore des bons commentaires de genre « Hey les gars, je vous ai découvert avec l'épisode de la bière ». Après ça, le taux de rétention est pas super élevé parce qu'il écoute le reste du contenu. Mais ton épisode est extrêmement apprécié de tout le monde. Fait que, ben c'est fun, je n'étais pas au courant. Fait que, Olivier, ça fait 4 ans. Là. Ça fait 4 ans que tu es venu au collectif. Ouais. On va avoir la chance de discuter ensemble. Ton parcours a comme progressé, évolué, changé. Il y a des affaires qui se sont passées en 4 ans. Oui. Puis, il n'y a pas juste ton parcours qui a évolué aussi, mais il y a le domaine brassicole qui a changé drastiquement aussi en 4 ans, je pense. Brassicole. Énormément. C'est André avec ses gros mots. J'ai écouté l'autre épisode avant de m'en venir. C'est le terme exact, le domaine brassicole. Ouais, ça a énormément bougé. En tout cas, j'aurai eu la chance d'en parler un peu plus tard, là, mais disons qu'il y a eu des gros changements. Ouais, même les buds sont rendus dans des bouteilles artisanales. En fait, ils ont ramené les biberons, puis là, tout le monde, on dirait qu'ils essayent de ramener le biberon en même temps. C'est assez... C'était Coors, les banquets qui ont apporté le biberon la première exactement. Fois. C'est l'influence des bières artisanales. Oui, ouais, absolument. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que, écoute, on a appris de nos erreurs en 4 ans. Donc, on ne fera pas vivre un supplice de 55 minutes d'actualité où on va parler de jeux vidéo, de films, puis tu vas faire calice, que c'est je fais ici. On va le faire pour 20 minutes. On va s'en donner pour 20 minutes où on va t'inviter à participer avec nous autres si ça te tente. Tu peux jump in, peu importe ce qui arrive, l'actualité, c'est pas juste... OK, ça s'appelle Geek Collectif. Il y a eu une erreur de parcours parce que Geek Collectif, ben là, on est stigmaté que c'est un podcast de jeux vidéo. Pis c'est la culture de passionnés. Puis je trouve que ça fait longtemps que je n'ai pas plugué. J'écoutais l'épisode. Hey, c'était l'épisode 18 en passant pour les intéressés. C'est quelque chose qu'on pluguait beaucoup au début. On pluguait beaucoup ça. Puis maintenant, on s'est comme éloigné de ça. Puis on est rentré dans une culture niche louche de hentai. Puis de on n'est pas rentré là-dedans pantoute. Il y a un peu d'hentai. Mais en réalité, fait que c'est ça. Fait qu'on va avoir un méchant bon show à soir. La 100e prochain épisode, ça arrive à grands pas. On va avoir de quoi de spécial pour vous autres qu'on va dévoiler un peu plus tard au courant de l'enregistrement. Pour les gens qui vont nous écouter en rediffusion, j'espère que vous l'écoutez bientôt parce que lui, il va sortir vite. Mais il m'en Michel reste deux en banque. Mais toi, Michel, en 2036, sorry, le 100e est passé. Prépare-toi pour le 350e. Oui. Donc, guys, sans plus tarder, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous autres dans les dernières semaines? Ah, moi, je vais commencer. Ça fait longtemps, on dirait que j'ai pas fait le show, là. Je lui manquais un, je pense, ou deux, je suis pas sûr. Là. Je me suis filé comme j'en ai manqué. Deux, un, deux, ouais. Je sais plus. Je pense qu'il y a un. Mais c'est ça, mais j'ai fait un petit bout, bien des choses un peu qui se passent dans mon univers. On vient de déménager ici. Là, on a la maison, l'ancienne maison des parents, des grands-parents à ma femme, qu'on a acheté. Ça fait quand même très longtemps. Puis j'aimerais me vider le cœur un peu sur l'expérience de vente de propriété et d'achat de propriété. C'est peut-être une des aventures les plus désagréables que j'ai eues de ma vie. Oui. Mais en même temps, c'est très heureux quand c'est fini. Mais il arrive un moment donné que quand tu es en train de finaliser une vente, tu es rendu décensuré d'un 200$ ici puis un 300$ là. C'est ça qui est weird un peu d'une vente, d'une propriété. C'est qu'out of nowhere, le notaire, tu le payes pas, c'est l'acheteur habituellement. Mais tu sais, des surprises comme ta coop de condo qui dit « Oh, en passant, c'est 230$ pour quitter la coop. » Des frais weird comme ça. T'as le notaire qui dit « Oh, en passant, tes papiers... » Y avait-tu un papier officiel de ça? Ouais, y a un papier officiel qui dit qu'on est out. Il y a la quittance de la banque qui est peut-être une des affaires les plus dégueulasses que j'ai jamais vu de ma vie. C'est quoi, c'est une quittance de banque? C'est quoi une quittance de banque? Okay, le mot est weird first. D'après ce que j'ai compris, c'est que c'est de l'argent que la banque te demande pour que tu payes pour confirmer que tu n'as plus de dette avec eux. OK, fait que faut que tu payes pour confirmer que... Comme tu payes la dette, là, on va dire que tu dois 200 000 $ tu payes le 200 000 $ puis eux autres sont comme, OK, t'as payé 200 000 $, merci. Mais ta ligne de crédit est encore ouverte, puis on sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Fait que paye-nous 1000 $ pour qu'on confirme que t'es parti et que t'as plus de dette avec nous autres. T'aurais-tu pu laisser la dite marge de crédit ouverte? C'est parce qu'ils peuvent l'utiliser après, c'est ça le fuck? Eux peuvent l'utiliser. D'après ce que j'ai compris, en tout cas, je suis pas un professionnel là-dedans. Okay. Fait qu'il y a un moment donné dans le processus où t'as appliqué pour une marge de crédit hypothécaire de mettons, 200 000, quelque chose fictif. Puis là, tu l'as utilisé, t'as acheté un condo, tu l'as vendu, tu remets 200 000 dedans, fait que là, tu retombes à zéro, puis eux autres font... Écoute, ta marge de crédit est toujours ouverte. Elle est ouverte, puis nous autres, on pourrait s'en servir. Mon partner qui écoute le. Ah, lui, oh, et lui qui connaît est le mon, mot quittance. Et qui est mon meilleur ami aussi, il dit c'est quand tu payes trop vite ton terme. C'est quand tu payes ton terme plus vite que. Genre, il aurait pu faire de l'argent avec les intérêts. C'est comme une pénalité, genre, t'es tellement un bon payeur de nous rembourser trop vite, on fait pas l'intérêt qu'on avait prévu faire avec toi. Exactement, ce qui a beaucoup de sens. Donne-nous 1000 pièces. Sacrement. Tu dis que ça a du sens? Ben, c'est parce que... c'était ironique. Oui, OK. Mais il y a du monde, que quand ils l'entendent, ils sont habitués à ça, ils sont comme, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Puis je peux comprendre où ce que les... c'est normal. Ça, c'est des banquiers qui disent ça. En tout cas, il y avait ça, il y avait... Mais juste pour dire, tu sais, des petites, tu sais, des 100$, des 200$. Là, à la fin, la dernière affaire, quand on a finalisé la vente, il y avait le notaire qui demande pour un arpenteur, parce que ça a de l'air que notre condo, nos papiers qui montent le bloc où ce qu'on demeure, comme la map, ben elle est plus bonne parce que nous on l'a reçu avant que notre complexe qui était neuf dans le temps, on l'a reçu avant que ça devienne une coop. Fait que à cause que c'est ça, ben le papier légalement est plus bon. Fait que lui il a le droit de demander à un de ses chums de venir confirmer que le papier est bon pour 600$ et 2 minutes de travail. Lui le dit notaire, est-ce qu'il a fait un montant d'argent sur votre dos? Le notaire là, en plus de ça, quand je pose la question, on est en train de finaliser les ventes, tout est fini, je m'en calisse, j'ai les vautours sont partout, les agents immobiliers sont en train de manger chaque morceau de viande qu'ils peuvent, tout ça se passe. À la fin, je demande au notaire, je comme l'arpenteur, c'est un peu retardé, ça, là. Pourquoi? Ah oui, je le sais, mais... Puis là, il comme qu'il se fait poser la question mille fois. Ils ont puis là, il dit, c'est pour ça, là, vous avez vu Unité 31 ou quelque chose comme ça? Il explique pas trop loin dans les Shop Angus. Il y a un gros complexe de condos. Il est comme, mais ça, c'est moi qui fais ça. Puis, tu sais, vu que je suis notaire, ben je fais sûr que quand les gens y achètent, mais ils ont un papier légal pour qu'ils évitent les maux de tête comme toi. Ça, c'est comme le vendeur de chars usagés qui dit, c'est correct, je suis mécanicien aussi. Ah. Fait que je peux te dire que mon véhicule est certifié. Mais si tu veux être sûr, je vais te faire inspecter ton char, puis ça va te coûter 200$. Anyways, c'était une des affaires les plus chiantes que j'ai vues de ma vie. Tout est fini. Quasiment toutes nos pendules sont remises à zéro dans des dettes, des affaires comme ça. C'est un des feelings les plus écœurants que j'ai jamais eu de notre vie. On est maintenant dans un beau logement que j'aime bien, que ma femme a travaillé très fort avec sa sœur aussi pour faire des rénaux. J'en ai fait un peu, mais je travaillais un peu. Ouais, ça, c'est l'aide de notre cuisine qu'on vient de finir. C'est très beau, la cuisine, en fait. Ça, c'est ma femme et sa sœur, quasiment 100%. Puis j'aime les tuiles françaises grises. Ouais, ça, c'est un ami à Annick, ma belle-sœur. Elle a travaillé dans une école de construction. Fait qu'elle a des hook-ups pour du monde qui peut venir faire ça. Puis... Nice shit. Pardon, c'est super bon. Puis c'est vraiment des meilleurs feelings. On paye que... On paye moins cher que bien des loyers sur l'île de Montréal, mais c'est à nous. On capote bien raide. Puis pour finir mes actus un peu, mais en plus de ça, j'ai finalement une man cave. Quelque chose que ça fait très longtemps que j'ai. Puis c'est une vraie man cave. Là. C'est vraiment bâti dans un enclos de bois des années 60. C'est l'ancienne chambre de mon beau-père puis de son frère. On a des portes avec des... J'ai une porte que j'ai gardée avec des vieux posters de Vanette écœurantes. J'ai monté là-dedans. J'appelle ça ma man cave de console 360. Toutes mes consoles, tous mes jeux sont ressortis. J'ai passé mes premières deux semaines ici à jouer des jeux d'Xbox OG que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. J'ai quasiment gagné le Super Bowl dans The Blitz, Blitz The League. Mais à la fin, je me suis fait focailler à cause d'une petite connerie de taxe. Mais anyway, je joue à Blitz The League. T'as-tu mis le genou à terre ou... Hein? T'as-tu mis le genou à terre pendant tes parties? Pendant l'hymne national. Dans Blitz The League, là... c'est quelque chose qui arriverait pas. T'es ton gérant, il te dirait, t'enverrais chier. Te dirait, t'as-tu mal au genou? Il t'injecterait avec un esti de fucking juice de fou pour que tu puisses continuer de jouer. Puis éventuellement, tu meurs d'une crise de cœur sur le field. Puis il faut qu'on te remplace. C'est pas le plot de Any Given Sunday, ça? Ah, Blitz the League, là. Je préfère tout un show sur Blitz the League. C'est un des meilleurs jeux de football qui a jamais été fait. Ils en ont C'était fait bon, deux. À l'arcade aussi. Non, ben oui, mais à l'arcade, t'avais le jeu arcade. Ouais. Mais quand ils ont décidé de rebrander ça, parce qu'il y avait plus les droits pour la NFL, EA ils ont acheté tous les droits de la NFL, fait que plus de compagnies pouvaient faire des jeux de NFL, puis Midway, eux autres, étaient comme, ben là, fuck you. Fait qu'ils ont fait tout un jeu. Midway, il y avait de l'argent dans ce temps-là. En fait, c'est parmi des jeux qui ont détruit, puis qui ont fait Midway brûler à l'enfer. Mais ils ont fait un jeu qui s'appelait Blitz the League, puis c'était carrément un gros fuck you à la ligue qui montrait toutes les inner workings de la NFL. Ils ont pris plein d'histoires de monde qui disait tout le nitty-gritty de c'était quoi le pro football. Puis c'est un simulateur de ça, puis c'est vraiment écœurant. C'est un peu comme Any Given Sunday dans l'esthétique. C'est super plaisant. Mais bon, bref, j'ai mon man cave. On est déménagé. Fuck les ventes de condos. Je suis content que c'est fini, ça. Puis là, je suis au bord de la Winnipeg, dans mon hood Hochelag. C'est la même rue qu'Olivier, en plus. On est des darling hits. Puis c'est ça. C'est ça mes nouvelles. J'ai joué plein de jeux vidéo aussi. Puis blablabla, bla, bla, bla, Cuphead. Milter. Ouais, Cuphead. j'ai joué à ça. J'ai. Hey, ça c'est un segway sans passer. J'ai joué. C'est nice. Guys, non, mais flabbergasté. Si je voulais même pas parler vraiment. Parce que j'ai pas fini rien. Mais c'est le fun. C'est un 2D shooter. Je m'attendais à un jeu avec plus de tableaux. Là. Honnêtement, je sais pas toi, Rick. Là. T'as joué un peu ou. Oui, ben j'ai joué un peu, puis après ça, j'ai arrêté. Mais c'est super bon. Ouais, non, c'est super bon, mais tu sais, je pensais au début, quand je voyais les cinématiques puis tout, là, je m'attendais pas à rien que des boss. Cuphead, Olivier, est-ce que tu es familier avec Cuphead? Pas du tout. Par contre, Eric a eu le temps de me montrer une petite affaire avant que vous arriviez, là, puis j'ai pu voir l'univers, cartoon des années 30. Puis Olivier, en plus, il m'a montré un jeu de Stranger Things qui est sorti sur VOA. Oh, pour vrai? C'est un genre d'RPG. J'adore. Ben oui, Stranger Things, c'est... Non, mais l'app, elle fait la même job que la série. Plein de références des années 80, mais au jeu en 8 bits. Superbe. Je voulais l'essayer, en plus, je vais Ouais, je pense que c'est effectivement. Mais tout ça pour dire Cuphead, c'est cool. C'est pas raciste du tout, malgré tout ce que le monde dit à cause de cartoons. C'était quoi, c'était controversé de dire mais... Moi, je joue pas ça parce que les cartoons des années 1930 étaient racistes. Non, mais c'est comme regarder un film de cowboy et dire j'aime pas ça parce qu'il y avait des racistes dans le temps des cowboys. Comme. Ouais, je revenais pas de la polémique autour de c'est ça. C'est comme écouter American History X puis non, coupé, retourne à mes coupé. Kirby. Mais non, c'est ça. j'ai acheté aussi une Super NES Mini Classic. Oui, 300$. Oui, 300$. Mais le gars, il était cool, il me l'a livré à ce prix-là. Il est venu m'apporter chez nous. Ah, mais pas moins, chez nous, au Tim Hortons à 15 minutes de chez nous. Mais moi, je dis que. Il a fallu que tu le payes cash. Oui. C'est sûr. Cash et pot. Non, juste cash. Mais non, pour de vrai, j'ai attendu au Walmart pendant 1h30 le matin. La grosse affaire, il y avait du monde qui ont dormi là. Pour rien. Fait qu'eux autres, ils ont dormi là, puis toi, tu prouves que t'es arrivé dans 1h30, puis t'as deux heures pareil. Mais il y en avait 66 en stock où que je suis allé. Puis il y a un gars qui avait vu ça aussi, tu sais, parce que sur Facebook, ça circulait, les fichiers d'inventaire Walmart, puis tout. Fait que... Le gars, il est arrivé là le soir d'avant avec sa chaise de camping, puis il avait fait des coupons de 1 à 66. Fait que lui, attends, il était le gars a fait les coupons de 1 à 66? Le gars a fait les coupons pour le magasin, pour Walmart, là. C'était quoi son nom? Asim? En tout cas, lui, c'était un gars qui travaillait chez Walmart, puis à 7h, il savait plus quoi faire quand il a vu qu'un dude qui avait déjà fait des numéros. Il est allé chercher sa supérieure qui est sortie d'or, pas de manteau, elle capotait. Elle nous l'a fait savoir. Elle, je suis d'or, pas de manteau, là, pour vous autres, les numéros, mettez-vous en or. En tout cas, c'était bien spécial. Elle était en tabarnak ce matin-là, ouais, ben, parce qu'habituellement, elle a la paix. Il pensait qu'en plus, ils nous ont remerciés. On est rentrés, on était tout en file. Là. Tout le monde était bien cool, bien relax. T'sais. Là, on rentre, tout le monde marche bien tranquille. Puis tout, puis le monde, t'avais sûrement le proprio ou de quoi, un vieux bonhomme qui était là avec une gérante. Puis comme, ah, oh, merci hein, de faire ça comme du monde. T'sais, tout le monde t'es juste entendu. Ah, mais t'entendais à quoi? Genre ben, que quelqu'un rentre la graine à l'air en écoutant du Slipknot et crisse un coup de pied dans les rangées. Piétiner le monde, genre. Là, ça, tu vas pas plus m'avendre rendu au comptoir. Là, c'est... En tout cas, ils capotaient eux autres, puis là, ils disaient, ça va prendre plus de temps que d'habitude. En 10 minutes, on était tous sortis. Fait qu'à 8h15, genre, quand que ça l'ouvre, à 8h, tout le monde était dehors avec leur Super NES. Yeah, on l'a, on s'en va travailler. Fait que, c'est ça, c'était cool. Je l'ai plugué à job sur le projecteur aujourd'hui. C'était nice. Gros écran en cafétéria. J'ai passé ce jour-là, moi, à troller le monde sur le marketplace de Facebook. Ben oui, meilleure place au monde pour troller. C'était écœurant, man. Parce que tu voyais une... Tu sais, habituellement, tu vas voir les revendeurs dans l'époque des NES Mini et SNES Mini et tout ça. Ben, les revendeurs, tu sais, c'était des anonymes sur eBay. Tu peux pas vraiment faire de lien. Mais là, le marketplace, tu sais, c'est qui exactement, là, t'as tout, là. Ah, j'ai des histoires à raconter, ouais, mais il y en a que je peux pas vraiment parler. Moi, qu'est-ce qui est le fun? Moi, je vais mal dire. Tu t'arranges avec le monde, tu dis « Hey, wow, je peux-tu l'avoir à 250, ta console? » Tout, là, il fait « Hey, oui, tu sais, il n'y a pas de trouble. » Je dis « 20$ de plus, tu m'alives-tu, justement, tu sais, ou de quoi? » Ben oui, ok, là, tu check, ah, il habite à Sainte-Thérèse, fait que là, il habite dans tel coin, l'autre bout de la ville, tu dis, rejoins-moi à tel Tim Horton. Puis là, t'attends, puis quand il t'écrit... Hey, t'es où? Je suis au Tim Horton. Tu dis, je suis là, je vais sortir bientôt, je suis dans le Tim, j'attends ma commande. Puis là, tu réponds ça pendant une couple d'heures. Qu'est-ce que c'est cœur ou qui rentre en... Je suis pas allé à ce niveau-là, moi. Puis, ben, soit moi, ça, puis... avant, moi, j'ai posé la question, je peux-tu l'avoir à 100$? Puis il était comme, ben, ouais, là, tu dis, OK, 115, je te donne un 5$ pour tes troubles. Ben là, ça se vend 300$. Je dis, OK. Puis là, après ça, je dis, ben, ça se vend 300$ seulement à des caves, puis à cause que toi, t'es un esti de crosseur, profiteur, épais... sale au monde, puis là, je commence à dire plein d'affaires méchantes. Moi, ce qui me fait peur de ça... Ah, je voudrais être dans les fields. Je vais faire un petit shout-out au Chien de garde, puis ce qui me fait peur de ça, là, Chien de garde qui est un autre podcast sur la sécurité et l'insécurité informatique. Là, pas la police. Mais le Facebook Marketplace, là, moi, il y a de quoi qui me chipote un peu là-dessus, là, parce que j'ai mis de quoi à vendre récemment, j'ai mis un iPhone. Puis il y avait un gars qui avait l'air comme vraiment insistant sur genre, peux-tu me décrire où tu demeures? Fait que tu sais... Ta vie est déjà publique sur Facebook. Fait que tu sais, le gars, il peut voir par les photos d'où tu te tagues, tes habitudes, tu vas où, pis tu le quittes. Pis t'as du monde qui font vraiment pas attention, tu sais, genre, leur adresse c'est dans Facebook, pis c'est public. Fait que tu sais, le gars qui vend, mettons, au TVHD, telle affaire. Pis là, qui tag, hey, matin de marde, j'étais à la job. Mais tu sais, on le sait que t'as une TV chez vous de tel critère, de telle façon. Pis tu t'es tagué chez vous la veille. Pis tu vas sûrement, tu veux la vendre, fait qu'elle est sûrement déjà débranchée dans un coin à quelque part. Puis là, t'affiches publiquement au monde, genre, ben là, j'étais à job, puis je suis pas chez nous pour surveiller la dite télévision. Fait que... TV à vendre sur le bord du tempo. Kijiji permet cet anonymat-là sécurisant un peu. Fait que, tu sais, pour le consommateur, c'est vraiment sécurisant de voir que quelqu'un vend de quoi. Fait que, tu sais, ta SNES Mini à 400$, tu le vois, c'est qui le crotté de profiteur, ouais, de crise de salle, de gâcheur de Noël, qui en a acheté deux le matin pour dans le but de les revendre. Mais... sur Kijiji, t'es protégé un peu, fait que... Mais sur Kijiji, en dedans d'une heure, t'es sûr d'avoir quelqu'un qui dit « Je t'ai intéressé de ça. » Là, t'es comme « Yes, je vais te donner 400 à place si tu le ships à mon cousin à Dubaï. Dubaï. Puis on va te payer en rouble. Ouais, je vais t'envoyer 1000$ de plus pour le shipping. Fait que je me donner ton numéro de carte de banque puis ton code. » T'es comme « Ouais, OK. » Fait qu'en réalité, t'as acheté une SNES classique. J'ai acheté ça, j'ai joué à Cuphead, puis... Puis t'as eu du fun. Ouais, je travaille, puis c'est la vie. C'est cool. Yeah. Vraiment le fun. Ben, écoute, de mon bord aussi, je te dirais, l'actualité va être assez basic. J'ai écouté Star Trek Discovery. Oh. Ah, j'en ai des choses à dire là-dessus, moi, en plus. J'ai pas pensé à ça. Star Trek Discovery, qui est le Stargate Universe de Star Trek. C'est qui, ouais, qui c'est... est un univers très dark, qui a rien à voir avec la politique puis la bonté des gens, qui est plus à voir avec du monde fondamentalement floué dans un univers carrément hostile. Mais pas floué, qu'est-ce que tu dis? Ah, Chris, man, tout le monde est... T'as une humaine qui a été élevée par des... En fait, t'as comme la grande sœur de Spock. Techniquement, oui, parce Techniquement, c'est la grande sœur adoptive avoué, mais... de Spock. Mais anyway, tu sais... Check, c'est Star Trek, mais sans l'aspect politique qui fait que Star Wars est à gauche puis Star Trek est à droite. Mais, Chris, que c'est beau. C'est fucking beau visuellement. C'est débile. Fait que, ces temps-ci, j'écoute des téléséries. Star Trek, The Last Ship, que la saison ces temps-ci n'est pas écœurante, ça se passe en Grèce, puis là, ils ont réussi à sauver tout le monde d'un virus qui tue tout le monde, puis là, soudainement, il y a un virus qui s'attaque à toute la bouffe, fait que là, les plantes crèvent, les animaux crèvent, tout crève, puis là, il y a un savant fou, qui, hein, pas écœurant, vraiment pas écœurant. C'est sur Netflix? C'est pas sur Netflix, c'est live, ça joue sur TNT, mais tu peux les écouter au Québec, je me souviens plus sur quel poste. Parce que j'écoute la TV à la TV maintenant aussi. C'est comme Star Trek, je l'écoute à CBS. Puis CBS, non. Non, Space. Space, c'est vrai, c'est CBS en ligne et c'est Space à la télé. Mais non, j'écoute la TV, tu sais. C'est drôle, ça. C'est un parallèle un peu avec ce qu'on va parler avec la première bière. C'est un retour au traditionalisme. Ben oui, carrément. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qui sont en train de revenir. L'affaire qu'il y a de la télé en ce moment, c'est quand tu l'adoptes, la manière qu'elle évolue naturellement. Puis moi, dans notre déménagement, on s'est pogné tout un gros kit de Bell, nous autres, tu sais. Puis Bell, ils ont adopté... Shameless, Bell. Adopté ou adapté? Adapté. Ouais. Adapter les nouveaux médiums, l'Internet et la télé ensemble d'une manière tellement incroyable que j'en reviens réellement pas. Okay. C'est tout sur du Wi-Fi, c'est tout bien. Si t'as manqué un show, t'es en train de te promener, tu t'as manqué, tu peux le recommencer au début. Ils ont des petites restrictions, genre tu peux pas fast-forwarder un show que t'as recommencé. Ouais, c'est le pouvoir du IPTV en réalité. C'est malade. C'est fou, malade. C'est que, tu sais, leur manière de dire que c'est une technologie sans fil en réalité, c'est parce que t'as une boîte maîtresse que le fil rentre dedans, la fibre ou le coax, peu importe. Puis après ça, cette boîte-là donne l'Internet et la TV à toute ta maison. Puis t'achètes des genres d'autres repeaters qui sont des terminaux additionnels que tu peux te promener avec. Bell sont weird aussi parce que eux autres, tu sais, c'est fibre. Nous, sur la merveilleuse rue Winnipeg, on a les switch fibre direct. Mais c'est du coax là. Vers la bâtisse. Pire que ça, André, t'en reviendras pas. Fait que t'as les switches qui sont là pour le fibre direct, ils sont juste pas actives encore. Ah, God, mais ils vont l'être bientôt. Ah, mais ouais. Qu'est-ce qui se passe après ça? Ton fibre, il est basé sur comment approche qui est du routeur fibre, ouais, avec exact. La fibre optique. Nous, on est à 80 mètres, il disait, de la switch principale qui est pas trop loin. Puis je te niaise même pas de là, il file un catégorie 5. Pareil comme si on serait comme dans le passé, je sais pas, c'est weird au bout. Mais. Attends, un 4-5, un fil de réseau, là. Oui! Ah, c'est un catégorie bon. 5 qui tire du poteau, qui rentre dans la maison, puis dans notre modem de fou. C'est comme si on est branché à une switch fibre optique. Oui, c'est clairement du réseau. C'est carrément du réseautage. Puis on pogne une super de bonne vitesse où ce qu'on est en ce moment aussi, mais dans pas long, quand les switch fibre qui sont direct, on en a 3, ça va monter fou, à un niveau de fou. Tu as une échelle, je vais t'activer ça. Non, mais tu peux pas l'activer encore, c'est ça. Mais c'est ça qui arrive, tu sais, c'est que... Mais la télé, ouais, la télé. C'est nice, puis la télé... En réalité, tu sais que tu sois, peu importe le fournisseur, ce qui est cool, c'est l'évolution en général de la TV où souvent maintenant, quand tu prends les chaînes spécialisées, tu sais, mettons les HBO de ce monde ou bien les TMN ou peu importe, tu vas avoir accès aussi à la plateforme de streaming en ligne. Fait que tu peux écouter Game of Thrones live quand ça joue, puis si tu l'as manqué, ben le lendemain, tu as TMN Go qui est inclus, parce que quand tu vas sur TMN Go, ouais, sélectionne ton câbleau distributeur. Tu peux choisir Vidéotron, Bell, Cogeco, peu importe. Là, tu cliques, puis tu te logins avec ton identifiant, puis tu peux l'écouter en ligne aussi. Fait que, tu sais, c'est vrai qu'il y a un retour aux sources où, c'est con à dire, mais j'aime ça écouter à la TV. Ah, ça fait du bien. C'est le fun d'être assis dans le salon, puis pas de browser comme un esti de zombie sur Netflix. Pas de, tu sais, juste de... Qui tu penses qui va gagner Occupation 2, André? Adamo, parce que c'est le rapper de Sanro. Les gens pas racistes? Les gens non, je sais pas, ben, tout le monde parle. Mais télé, juste pour rester sur la télé, je veux pas te couper, mais c'est parce que Tu sais, je voulais parler de le... J'ai pas pensé de parler de Discovery parce que j'étais trop excité de parler de mon déménagement pour le show. Mais j'ai aussi vidé mon cœur Discovery sur mon autre podcast, PodTrek. Ben oui! Que je fais avec Mario J. Ramos, qui est aussi un fellow Winnipegger. Puis, mais je m'attendais que tu fasses un parallèle parce que dans Star Trek Discovery, on a le Star Trek Battlestar Galactica, a.k.a. Stargate Universe. Puis de l'autre côté, qui l'aurait cru... Seth MacFarlane a réussi à faire un Star Trek The Next Generation moderne, sans filtre, puis ça a réussi à être plus Star Trek traditionnel que qu'est-ce qu'on voit dans Discovery, puis je capote. La je série capote s'appelle The Orville, pour ton info, Olivier, ça s'appelle The Orville. Seth MacFarlane, qui est le gars de Family Guy, dans le fond, qui joue un rôle lui-même là-dedans. Ça doit être noté qu'il est un fan de Star Trek depuis son enfance. Mais ça paraît... toujours des références Star Trek dans les films. Mais il a créé un Star Trek plus humain que Star Trek. T'sais, les gars, ils font quand même des jokes de pipi cacapouel, des jokes de cul, puis ils se font des mauvais coups. Mais ça aborde des thèmes c'est quand même. Seth MacFarlane. Ben oui, mais oui non. Et non, c'est ça. Parce que moi, je m'attendais à vraiment. On va nier. Tu sais, je m'attendais à un Spaceballs de Star Trek, mais à la sauce Seth MacFarlane. Je me serais attendu à la sauce. Il tackle des thèmes. C'est dans, je sais pas si c'est dans l'épisode 2 ou 3, mais t'as une race que c'est juste des hommes. Puis là, ils ont un bébé, puis c'est une fille. Fait que là, tu te rends compte qu'eux autres sont comme, ok, on va être obligé de faire l'opération, on va faire un sex change. Mais là, le capitaine Seth MacFarlane, il fait, pourquoi vous allez faire un sex change? Tu peux pas choisir ça. Puis ça se rend que tout l'épisode est un épisode très fucking Star Trek où ça se rend un genre de tribunal sur la planète des aliens où ils veulent pas que eux autres choisissent le sexe de leur enfant. Puis en réalité, c'est un thème très actuel de cisgenre, non-binaire, whatever. Mais approché dans une saveur très respectueuse de Star Trek, mais dans un show qui s'appelle The Orville, que tout le monde pensait que c'était pour être juste joke, c'est un Family Guy dans l'univers de Star Trek. Puis finalement, j'écoute ça, puis t'as raison, c'est plus Star Trek que Star Trek. Je te le dis, on l'avait dit, je l'avais dit avec Mario, puis on en parlait un peu, puis c'est fou même à quel point que c'est. Puis en plus, c'est la première critique, je me rappelle, avant que j'ai eu la chance de voir The Orville, j'avais hâte de l'écouter parce que j'avais des pubs puis je m'attendais que ça soit comme une grosse joke comme tu dis toi aussi. Puis là, parce que je lis la première critique avant le voir puis ils disent ça se prend trop au sérieux. Ils disent c'est pas le genre de show que tu t'attendais. C'est ça. Fait que direct là, j'étais comme ok, bon, là, j'étais encore plus curieux. La première, c'est un gros setup qui est spécial mais qui est le fun. Mais là, à partir de la deuxième, là, t'es in the Star Trek 100%. Puis c'est fou. Comme tu dis, l'humanité dans l'affaire est écœurante. Parce que tu sais, tu vas en avoir un qui commence, puis t'as carrément The Orville qui est sur le bord de la galaxie connue, puis le show commence, puis t'as juste les deux ensign au début, sont là en train de star mapper, bored as fuck, pis sont comme, this gotta be the most boring thing to do. Pis sont en train de star mapper au fin fond de l'univers, puis ils sont juste là, bored en tabarnak, puis l'autre est en train de parler de qu'est-ce qu'ils vont faire à ce soir, puis c'est vraiment c'est tellement des termes humains qui arriveraient pour de vrai. Ça va être ça aussi. Mais c'est ça, là, à un moment donné, là. C'est plus humain que le Star Trek qu'on avait auparavant. Ben, quand tu prends les vieux Star Trek, t'es voyé assis dans leur lobby ou le control room, là, genre, là, puis ils gazent, là, dans le vide, là. Dans le noir, discussions sont fake un peu, puis c'est toujours un thème. Moi, j'appelais ça l'élément noblesse, où Star Trek c'était toujours noble. Tu sais, c'est comme on respecte la femme, on ne sacre pas, on est politically correct, on respecte les autres cultures, tout le kit. Puis là-dedans, tu sais, ça commence avec Seth MacFarlane que sa femme le trompe avec un alien, puis que le gars c'est comme, Calis, ma femme m'a trompé, il y a un divorce, sa vie s'écroule. Puis il tombe capitaine d'un starship. Puis elle devient son premier officier. Fait que là, il est comme, Chris, on est obligé de dealer avec ça. C'est la seule chance que j'ai d'avoir un vaisseau. Puis faut qu'il me crisse elle, parce que c'est la seule qui était disponible. Puis tu sais, ça, c'est le genre de setting. Puis ils ont. Tu sais, Star Trek. Nice, là. Star Trek, t'aurais tissé une histoire de même dans l'arrière-plan. Qui ont fait un peu que Riker puis The End of Troy. Non, mais dans Next Generation, il y avait plein de. Non, mais c'est ça. Next Generation, il y a plein de stuff comme ça. Mais c'était en second plan, puis c'était très filtré. Non, des fois, là, c'était très premier plan. Ouais, mais ils ont jamais, tu sais. Tu sais, dans Orville, t'as Seth MacFarlane qui est comme, ouais, ça, c'est mon premier officier, puis en passant, c'est mon ex-femme qui m'a trompé avec un alien. Mais tu sais, c'est comme. C'est beaucoup paf, même, c'est là, direct c'est d'aidant, fait que c'est très humain. Star Trek, c'était comme tu dis, c'était ça, mais expliqué de façon noble. Tellement royale et loyale, ben ouais. Whatever, noble. Puis, mais c'est tout ça c'est... pour dire que c'est un fucking show à écouter. C'est boss, c'est vraiment drôle. La dernière épisode 4, C'est réalisé par Jonathan Frakes, justement, qui est Riker. C'est lui qui a réalisé la quatrième de The Orville. En plus, Charlize Theron, il est là parce que pourquoi pas rendu là? Ouais. Comme si c'est un ami à Seth MacFarlane aussi, Charlize Theron, je pense. Puis tout le monde est un ami à Seth. Mais je pense que Seth, il écrit dans des textes juste pour l'embrasser. Mais c'est ça. Non, c'est même pas une joke. Non, mais je pense sincèrement. Bon ça. Truc, ça. Mais bon, c'est ça. Excuse, je t'ai hijacker. Ben non, mais il n'y a pas de problème. Fait en gros, c'est ça. T'sais, mon actualité, c'est juste que je fais pas des choses incroyablement passionnantes ces temps-ci. J'écoute de la TV. J'écoute des films que j'ai pas écoutés. Fait que je fais du rattrapage. Mais il y a des bons moments de télévision. C'est un film temps qui est Walking un peu plus Dead. Froid. Moi, c'est ce que j'écoute. Ouais, faudrait que je continue ça. Mais c'est la finale de 2 heures semaine prochaine. Fait que rattrape dans le marathon. Très honnêtement, là, c'est comme ces temps-ci, c'est genre je fais des petits feux dans ma cour, puis je suis rendu banlieusard, puis j'écoute de la TV, puis je suis fatigué le soir. Ben, c'est ça, avoir une maison. C'est ça. Olivier, toi, qu'est-ce qui arrive de bon avec toi? T'as 4 ans de rattrapage d'actualité que tu peux te permettre de faire. T'as-tu vu un film les 4 dernières années? Écoute, ouais, on peut commencer avec ce. On peut commencer ce segment-là. En fait, ouais, c'est ça. Si c'est nouvelle, ça devrait juste être. Ben, on pourrait enchaîner avec. Ben, en réalité, ça dépend. T'sais, peut-être qu'il veut pas parler de bière à soir. Peut-être qu'il veut nous faire un statement sur une découverte quelconque ou peut-être qu'on. Ah, ben, moi, c'est parfait. Je donne un micro libre. Mais j'ai la flappe parfaite parce qu'on va parler de ton commerce. Mais Stranger Things, le jeu. Ouais. Ben, j'en ai parlé tantôt. J'ai sensiblement dit l'essentiel. Vous autres, vous avez le temps d'écouter des émissions. Moi, je viens de starter une business. J'ai pas le temps de faire ça. Et t'es nouvellement papa aussi. J'ai une petite fille d'1 an et demi. My God, félicitations. Ouais, merci. Écoute, j'ai pas le temps d'écouter des films. Mais je prends en note ce que vous avez dit, ça a l'air super intéressant. Des séries, des films. Non, c'est ça, j'ai pas même le temps. Je travaille beaucoup. Mais par contre, quand j'ai 15 minutes avant de me coucher, j'ai découvert une petite app qui est le jeu de Stranger Things, qui est une. Moi, j'écoute pas beaucoup de séries. C'est quelque chose avec laquelle j'ai extrêmement de misère à embarquer. Il y a eu Curb Your Enthusiasm. Ah, ça, que c'est j'ai fucking capoté. Bon, man. Larry vient de commencer à une nouvelle saison. Je sais, ouais. J'ai vu ça. Puis celle-là, j'ai écouté 2 fois. Puis j'ai pas embarqué ben dans d'autres affaires. Puis on m'avait fortement recommandé Stranger Things. Après un épisode, je capotais ma vie. C'est un mélange des Goonies, de Star Wars. Ouais. T'as l'univers Goonies, mais avec un. Puis là, ils ont rajouté eux autres, ils voulaient un fond d'horreur. Puis ils ont ajouté ça. Puis ça fit. Puis c'est c'est plein de références aux années 80, en tout cas, comme vous le savez. Puis moi, j'ai accroché ma tête. J'ai hâte à 2. Puis là, j'ai découvert le petit jeu, la petite application sur mon cellulaire. Je viens de le downloader au moment même. Puis c'est un petit RPG en 8-bit style avec les mêmes références aux années 80, mais des jeux Nintendo des années 80. T'as les petits cool, cœurs de Zelda. L'icône, c'est une cassette de Nintendo. Exactement. Genre, en partant. Wow, c'est un plaisir de jouer à ça pour quelqu'un qui est né dans le début des années 80 ou plutôt le début des années 80 comme moi. C'est fantastique. C'est de la nostalgie, du plaisir. Puis c'est facile. Il y a 2 niveaux. Là. Moi, je suis très... comment vous appelez ça? Là? OCD? Newbie. Non, mais je suis pas très... Je vais pas jouer au niveau difficile. J'ai dit OCD parce que je t'ai mis la manette pour The Runner tantôt, vite fait. Puis on dirait comme t'étais là, puis tout ce que tu disais, c'était « Faut pas que je m'achète de console. » Faut pas que je m'achète de console. Ouais, mais je suis un peu OCD aussi. Puis, c'est ça, écoute, j'ai pris le niveau le plus facile, puis ça se fait bien. C'est le fun, c'est ma petite nouvelle. Il y a du bon stock qui se passe, ces téléphones mobiles, je trouve, puis il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui commencent à sortir. Ça fait juste c'est le fun. On voit la pointe du iceberg, puis ce qui est cool, c'est que, tu sais, là, on a une licence que beaucoup de gens connaissent. Il y a du monde qui vont découvrir la télésérie par le biais du jeu. Il y a du monde qui vont faire l'inverse. Puis je trouve que c'est fun de pouvoir créer des univers de même. Mais je cherchais la crosse tantôt. Puis Eric, ça, il m'a dit ben ça doit être un élément promotionnel. Ok, là, la crosse, c'est pour que le monde écoute la série. Parce que je me demandais, le jeu est tellement fun, il est gratuit, il n'y a pas de pub. À chaque fois que tu joues à ce jeu-là, Netflix ne paie pas des subventions au Québec. Le mobile gaming, là, je trouve que ça va sonner weird comme statement, mais le mobile gaming, je trouve que c'est où ce que le PC gaming était au début des années 90. zéro respect, plein de potentiel. Ah, fuck, puis PC des années 90, excuse-moi, mais dernière parenthèse, si vous écoutez toujours pas Halt and Catch Fire, ah, tabarnak, PC des années 90. Man, allez écouter ça, c'est chaque fucking saison 4, c'est du pur bonbon, ça se termine dans pas long, jeu d'acteur de fou, ils sont rendus en 94 dans la télésérie. Dis c'est pas trop grand fou, chose, je veux pas rien spoiler, mais Halt and Catch Fire de AMC, c'est fou. Fait que, désolé, fallait que je pointe ça, c'est une révélation. Fait que, nouvelle business. Ben oui, écoute, on peut tout de suite parler, la dernière fois, au 18e épisode, j'étais on s'est rencontrés, moi puis toi, t'étais... Au biérologue. Conseiller au biérologue, ouais. Ouais, j'ai été le premier employé temps plein, là. J'ai aidé David à construire, à faire découvrir la boutique, à construire la clientèle régulière, tu sais, moi, quand je suis arrivé là, j'avais 10 ans d'expérience en vente, puis j'étais passionné par la bière, puis je changeais de milieu de travail, puis je faisais tu, ça. Tu étais à la retraite du babyfoot aussi, un peu. Hey, c'est vrai, on parlait de babyfoot aussi. Ouais, non, j'étais encore plus geek de babyfoot, je pense, que de bière. encore aujourd'hui. Ah, OK. Donc, ça, on pourra faire un autre épisode là-dessus. J'ai ouvert un business de babyfoot. Ouais, il n'y a pas le marché, c'est moins à mode. Ouais. Mais le, donc, c'est ça, j'étais conseiller en bière au biérologue. On avait bien du fun, on vendait de la bière. Chose que j'ai vraiment accroché. Par la suite, j'ai été gérant au frigo de Bacchus à l'angle de... Ben, sur la 9e avenue, mais ça fait partie un peu des promenades maçons sur la 9e avenue dans Rosemont. Puis là, j'ai poursuivi ma passion avec des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné le poste de gérant. Puis là, j'ai pu être responsable des achats puis aller plus loin dans ma passion. Par la suite, on a parti ensemble le frigo des dieux, qui est un magasin qu'on a parti à Pointe-aux-Trembles, qui est un super magasin, vous habitez à Pointe-aux-Trembles, allez visiter ça. Et puis là, ma nouvelle aventure se trouve sur Amherst. Je suis bien content parce que j'aime bien la ville, la diversité, le côté... c'est vraiment une diversité incroyable. Il y a une vie en ville, là. Puis là... On Amherst, sud d'Ontario, il y a de la diversité. Ou ça. C'est ça. Ouais, ben, on est ouais, le entre la même, Ontario... La même rue qu'il y a la place de... grooming de chien qui s'appelle Doggy Style. Oui, puis c'est juste un peu plus bas, t'as le lancer de la hache. Oui, c'est vrai. Hein? Fait que tu peux aller faire toiletter ton chien, lancer une hache et t'acheter de succulentes bières. Je m'en allais dire finir ça avec un burger chez Philippe, mais... Ça fait 55 ans qu'ils sont là. C'est bon, c'est là-bas. C'est super bon. Mm. Puis t'as les meilleurs coiffeurs en ville là, sur Amherst aussi. puis dans le coin. Écoute, moi, j'adore ce coin-là. C'est un puis quartier, là, on va se dire, c'est le village, là, mais moi, ça a toujours été... Ah, mais c'est malade. C'est pas le village, je sais. C'est mais ouais, nous, on est à la... Qualité, là. On est à la fin du village, le début du quartier latin, comment tout ça. Je comprends les technicalités, mais c'est un régime. Là, depuis que je déménageais à Montréal, c'est un de mes coins préférés de la ville. Ça m'a fait réaliser à quel point Montréal, c'était une vraie métropole comparativement de tout ce que moi je venais. C'était quand j'ai passé à travers du village la première fois, puis dans ce coin-là, là, c'est là où j'étais comme, cette ville ici est débile. Pas à cause que je suis gay non plus, là, ça n'a pas rapport. Là, c'était vraiment le but de voir cette liberté-là. Là. Non, mais je suis pas, mais c'est juste de voir la liberté, ce genre de liberté d'expression-là qui existe. Ça me rendait tellement heureux de vivre à Montréal parce que je venais... En Ontario, c'est très conservateur. Ah, mais c'est juste cool de voir, tu sais, que tu te promènes puis t'as un gars qui s'essaye d'ouvrir un restaurant éthiopien puis il est pas éthiopien puis il a genre 400 pieds carrés puis tu l'équipes, tu fais comme... C'est cool! Je vais aller manger au moins une fois. Je sais pas si je vais y retourner, mais c'est fucking cool que tu essayes de le faire, tu sais. Ça se peut que ce soit fucking bon. Mais c'est ça, exact. C'est une révélation. Tu sais, il y avait une place... Il y a plein de spots. Puis tu découvres tout le temps de quoi en allant là. Je te demande pourquoi le barbier à chien, il y a des assless chaps tout le temps. Comme tu... OK, je vais y aller porter mon chien. C'est correct. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça qui est cool. C'est fait que là, ta nouvelle aventure... Ouais, ça fait 6 semaines. Wow. Ça va faire 6 semaines vendredi. On est ouvert. Oh. Fait que c'est vraiment... c'est tout récent. T'as-tu pendu une crémaillère? On a fait un party de pré-ouverture jeudi, le dernier jour de août, là, 31, ça c'est un 31. Mm. Puis Ouais, c'est ça. Écoute, sur 4 heures, on avait invité tellement de monde. Il y a à peu près 200 personnes qui est passé. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde. Un succès. Tout le monde du processus, parce que c'est long, pareil, partir une business de même. Fait que tout le monde, notre conseillère financière, notre avocate, notre comptable, tout le monde est passé. Il y avait la famille, les amis. C'était super cool. On avait 6 dégustations au total. Wow. Avec des partenaires fournisseurs qui étaient là en personne. Puis c'était vraiment cool. Le lendemain, ben scrap, parce que c'était la fête à mon partner à minuit plus. Le 1er septembre. Fait que on a fêté pas mal. Puis le lendemain, ben scrap, let's go, on part ça. Puis, ouvre les portes, puis accueille le monde. Let's go. Fait que depuis ce temps-là, puis ça fonctionne super bien. Je veux dire, on a fait une étude de marché, puis ça prend pas la tête à Papineau dans ce coin-là. Je veux dire, la segmentation de la clientèle est hallucinante. T'as les locaux, la clientèle locale qui est très importante dans un commerce de quartier, comme ça, un commerce de proximité. Mais t'as aussi les touristes. On a une auberge de jeunesse en face. Fait que on s'entend que 40% de tes revenus proviennent de l'auberge de jeunesse qui traverse la rue. Pas 40%, pas 40%, mais ça arrondit les journées. Ah ouais, c'est ça. Puis il y a des étudiants, tu sais, l'université LUCAM puis le Cégep du Vieux, c'est quand même deux grosses institutions scolaires là. Des buveux de bière. Oui. Oui, mais c'est quand même. Tu vois qu'ils sont quand même sérieux dans leurs affaires là. Ils viennent pas, ils viennent s'acheter une petite bière relaxée après les études là. Puis c'est, j'ai pas vu encore la fin de session là, mais à date c'est raisonnable. Puis mais il y a aussi le vendredi midi, on a un rush des gens qui travaillent dans un bureau puis qui habitent sur la rive sud, qui s'en viennent acheter leur bière là sur l'heure du midi. Puis toute la kit là. Ouais, puis ça va plus. Ouais, puis ça va bien plus loin que ça en fait. Puis la clientèle culturelle, la grande bibliothèque, puis ça finit plus. En fait, des employés du Santé Itin qui prend un Bixi puis qui allent là de l'après la job pour ramasser une bière, puis après ça prend la 125 pour aller en Ontario. Absolument, Eric. Finalement, Eric, t'es-tu rendu un meuble dans la place? Non, mais ça fait deux fois que j'y vais, parce que je t'allais voir la première fois quand il avait reçu les New England IPA. Il fallait absolument que j'en prenne, puis je savais qu'il y en avait là, puis j'étais tanné de courir après cette petite bière-là. Puis on avait commencé à discuter quand on était pour le rec dans ce temps-là, puis j'avais pas vu le magasin encore. Puis j'ai tombé. Son magasin, il est vraiment, mais vraiment beau. Là, t'avais pas dit que t'avais des amis dans le théâtre? Ben, je voulais. Tout à fait dans le théâtre. Je voulais en parler. Ouais, excuse, je veux pas te devancer, mais moi, c'est parce que le décor, c'est vraiment beau, là. Esthétiquement parlant, là, c'est un super de beau magasin. Oui, ben, absolument. Mon partner, Francis, est technicien au décor en cinéma. Puis notre ami, qui est souvent son boss sur plusieurs contrats, et il est décorateur directeur artistique, dépendamment des contrats, puis clairement designer, parce qu'il nous a tous designé le magasin. Puis des fois, avec autorité, des fois, il disait « Non, vous allez pas faire ça, vous allez faire ça. » Puis on a fini par l'écouter. Puis on l'a écouté. Tu fais des films assez importants que tu fasses que okay, le gars il a fait X-Men. Je vais l'écouter. Exemple. Je suis pas au courant de son portfolio, de son parcours. Il a fait des films américains en tant que décorateur. Je me trompe pas. Écoute Eric, si jamais t'écoutes, je m'excuse si je me trompe, tu corrigeras. Mais t'as fait une belle mais, job. Oh. Mais il a beaucoup de directeurs artistiques pour des contrats de publicité. Okay, puis ouais. Non, il a un certain talent. Puis il nous a designé le magasin. Puis c'est cool, on a vraiment beaucoup de beaux commentaires. Fait qu'il a fait une belle job, je pense. Puis, Ben juste la devanture, moi je trippe beaucoup minimalisme. Puis la devanture du magasin, j'ai regardé les photos, j'ai pas eu la chance d'aller visiter encore. Je suis rendu beaucoup creux dans la rive nord. Genre, le monde vient de cueillir des pommes à côté de chez nous. Fait que ça met en contexte. Il chasse avec un balai. T'es où, Eric? André? Deux Montagnes, Sainte-Marthe, ouais. Saint-Joseph, dans le fond, dans ce coin-là. Là, tu sais, Facebook, là, simplement, là, je vais pas chercher loin, mettons. Là, ouais, ma soeur habite dans le coin, moi j'ai grandi sur la rive nord. Fait que tu vois, je suis rendu dans ce coin-là, fait que j'ai pas eu la chance d'aller au commerce, mais j'ai regardé les photos tantôt, puis tu sais, la couleur de la devanture, super smooth, tu sais, un genre de gris pâle. Argent, en fait. C'est argent. C'est argent. Ouais. C'est vraiment nice. Mais c'est pas, tu sais, tu passes pas, puis c'est bourré, puis t'as plein de posters de Wildcat, puis des affaires de même, tu sais, je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais à un look comme ça, tu sais, une shop de bière que je trouve ça fait un peu de l'extérieur, chaleureux, magasin général, tu sais, une ambiance un peu plus personnalisée que d'autres choses. Ouais, ben on voulait, ben tu sais, c'est ça, comme je vous dis, c'est encore Eric, qui notre designer, ami, Et il nous a dit d'un bord... en fait, ça, c'était peut-être mon idée. Je voulais un setup saisonnier d'un bord puis un setup permanent de l'autre. Puis là, après ça, lui, il est arrivé puis il a dit, vous allez avoir des bibliothèques de verre avec des bouteilles dedans d'un bord. Puis de l'autre bord, on va créer une machine imaginaire avec des vieilles bouteilles, des vieilles machines, des tuyaux. Puis là, Francis, mon partner qui est brocanteur, il est allé chercher des... Il est allé chercher plein de vieilles affaires, puis Eric genre est arrivé... Genre d'alambic fucké, là, créé homemade... Exactement. Nice. On a oscillateur, truc pour calculer les tensions électriques. Puis un vieil affaire, en tout cas. Puis Eric est arrivé, il t'a tout rabouté ça. Il nous a donné des commandes, il voulait des bouteilles, pas d'étiquettes. Il a tout rabouté ça dans la vitrine. Puis ça fait un tabac on est bien contents. Je trouve ça clean. J'ai mis des bibliothèques de verre dans la vitrine, je les ai remplies avec des bouteilles vides parce qu'on est des puristes, on fait attention à la bière. Évidemment, on mettra pas de la bière pleine au soleil. Ben oui. Fait qu'on a mis des bouteilles vides dans la vitrine, puis des bonnes bouteilles, tu sais. Fait que ça look bien. C'est le fun, on est vraiment content du résultat. Puis les gens, il y a un Américain qui passait sa rue, puis il dit your window just sucked me in. Ça m'a votre vitrine m'a fait absorber en dedans là, tu sais. Fait que c'est ça, on est bien content du résultat. C'est fait vraiment beau. Comme je tiens merci Eric, si t'écoutes. On a notre crowd qui arrive. Puis ça paraît, tu sais, que t'en parles avec beaucoup de, comment je peux dire, beaucoup de passion. Puis tu vois, t'as tes étincelles dans les yeux, justement, de « Hey my God, on a créé ça ». Puis de la manière que t'expliques tout le procédé, là, c'est vraiment cool. Je suis content d'entendre ça. Je suis content pour toi, tu sais. 4 ans de parcours, là. Mais tu sais, c'est pas genre « Ah ben là, j'étais commis à telle place à l'affaire. » Là, t'es ton propre entrepreneur, t'as ta propre business, t'as parcouru ça, t'as fait tes contacts, tout le kit, là, c'est cool. C'est vraiment le fun. Ouais, je suis fatigué, mais c'est le fun. Mais c'est de la bonne fatigue, j'imagine, parce qu'en plus, tu sais, c'est que là, chaque chose que tu fais, chaque affaire que tu mets en place... Ben, c'est une fatigue intentionnelle. Toi, ouais, mais c'est le fun, le sentiment aussi que t'as. C'est comme... Exact. Eric a un peu chiolé tantôt, mais je sais que c'est pas pareil. Moi, j'ai acheté une maison il y a un an. T'es brûlé quand tu finis de faire tout, puis toi, André avec, j'imagine. Ouais. Mais quand t'es dedans, puis t'es installé, puis tu fais ce tamouin autour... C'est parce qu'on a notre crash pour notre 99e. C'est qui, là? Ben ouais! Dom, tu dis continuer, fait qu'on le plug pas tout de suite. Il est temps d'asseoir, on pogne une petite bonne en plus. Là. Fait que, tu sais, là, c'est puis ça a été un processus de combien de temps? Tu dis, ça fait 6 semaines que vous êtes ouvert, puis ça a été une aventure de combien de temps mettre tout ça en place? Là? On a fait ça vite. Ouais. On s'est incorporé le dernier jour de mai, si je me souviens bien. Puis après ça, on a signé le bail mi-juin, je pense. Puis mois d'août, tu faisais ton lancement. Puis fin août, on faisait le lancement. Puis là-dessus, on a fait des rénos. Francis puis moi, ça fait 30 ans qu'on est des meilleurs amis. Wow! On a vécu à peu près tout ensemble. Puis quand je dis tout, là... ouais, tout. Puis on a un beau parcours. Disons que on était les deux tannants. On a tout le temps été dans la même classe. Lui, c'était un hyperactif. Puis moi, j'étais un tannant puis un suiveur un peu aussi. Puis on était turbulents. Puis on a vécu beaucoup de choses ensemble. On est du monde d'attaque. Fait qu'on le savait qu'on est des gars, comme ma grand-mère dirait, vaillants. T'sais, on n'a pas peur de travailler. Puis on le savait qu'on pouvait clencher ça. On a clenché Renault assez rapidement, merci. Des fois, on arrivait à 7h le matin pour partir à 1h du matin. C'est des bonnes journées. On savait qu'il fallait clencher Renault parce qu'il faut préparer le magasin. Il faut transformer ça en épicerie. Il faut qu'il y ait de la bouffe dans le magasin. Puis il faut envoyer des photos au gouvernement pour montrer que c'est une épicerie avec de la bouffe dedans pour qu'il nous envoie le permis d'alcool. OK, fait que là, dans le fond, il fallait tout avoir le stock alimentaire avant d'être approuvé pour le permis d'alcool. Oui. Fait que c'est un risque pareil, ça, parce que la journée qu'eux autres, ils décident que, ben c'est un risque, oui, puis non. Tu sais, on a fait un don de 1 000 $ de bouffe à l'organisme communautaire en face. OK. Parce que on le savait bien, là. Mais on était chanceux. Ben, on était chanceux. On a fait ça by the book, mais en 4-5 semaines, on a eu le permis d'alcool. On a Dom Bourret, Papa Cassette vient d'arriver. Il t'a entendu dire permis d'alcool, puis il y a des frissons. Il faut dire que le CAD, qui est consommation à domicile, moi ce que j'ai, et le CSP, consommation sur place, il y a une méchante différence. Dans le consommation sur place, les bars, il y a une enquête criminelle, etc. Consommation à domicile, c'est un permis d'épicerie, c'est beaucoup plus soft. Mais la nourriture, là, vous l'avez donnée... à des organismes, puis après ça, c'est fini, plus besoin de nourriture. C'était juste pour les non, photos. Non, on en a racheté. Ben non. Il y a un sac de Ringolo dans un green case dans le coin. On en a racheté, c'est parce que ça prend de la bouffe périssable. Non, il en faut autant parce que ça prend 50% de bouffe en valeur sur le plancher. Fait que mettons, t'as 1000$ de bière, faut que t'aies 500$ de bouffe sur le plancher. Non, 1000$ de bouffe. Mais l'affaire, c'est qu'on a beaucoup de trucs haut de gamme. Sauf que là, pour la photo, ben on a pris des trucs périssables, mais je veux dire, c'est des trucs périssables, on voulait pas les gaspiller. Le gouvernement, c'est de même qui fait son processus, il faut dealer avec ça. On voudrait bien les vendre, les garder, mais ils vont périr. Fait qu'on les a donné à un organisme qui aide les gens dans le besoin. Ben, c'est incroyable en plus. Vous n'avez pas le choix d'être spécialiste de bouffe intéressante qui matche la bière en même temps. Vous pouvez pas... ben, c'est un complémentaire, mais en même temps, on n'a pas le choix. La vente exclusive d'alcool est exclusive à la SAQ. Ah, ok. Fait que c'est le même pour tout le monde. C'est le même pour tout le monde. De l'alcool dans son commerce, d'épicerie, style, c'est 50-50. C'est 50-50 en valeur monétaire. On a beaucoup de trucs haut de gamme, des petits pots de sauce à 25$. Ouais, ça aide dans ça. Là, dans la sélection, des petits cornichons à 50$. Non, mais je viens de comprendre pourquoi que ces boutiques-là, ils ont de la bouffe chère. Exact, exact. C'est justement pour complimenter ça. Ça t'a pas de choix. Mais j'imagine aussi qu'il doit y avoir un lien où ce que la bouffe que vous faites rentrer, ça va être des biens de longue date aussi. Tu veux rentrer de la bouffe. Ça dépend. Qui se conserve un peu mieux, j'imagine. Oui, puis non. Parce que, je veux dire, on n'est pas niaiseux, on veut vendre des choses que les gens aiment puis qu'ils veulent acheter. J'ai des choses qui vont vendre des péremptions parce que ça pogne puis il y a un bon roulement. Ça représente combien de pourcentage des ventes, la bouffe, à peu près, dans une épicerie à bière? Ça dépend. 30%, là? Ça dépend quelle épicerie à bière. Moi, il serait trop tôt pour te sortir des chiffres parce qu'on est encore en mode observation. Là. Ça fait juste à peine 6 semaines. Ça va faire 6 semaines vendredi. Ouais. Ça dépend des milieux. Il y en a qui vont axer plus la vente sur la péremption. Il y en a qui vont stocker des petits pots de foie gras dans un coin puis des sauces piquantes puis ils vont mettre la gomme sur la bière. Nous autres, on va laisser la clientèle décider puis on observe en ce moment ce qui se passe. Puis on écoute les demandes spéciales des clients puis tout ça. Le jerky très... le jerky, je m'en allais en parler, le jerky ça pogne. C'est winner. Ça c'est fou, puis il y a comme une culture québécoise de jerky qui est comme fucking émergente en plus là. Ben l'influence des États-Unis, puis on va en parler en masse tantôt, c'est la même influence pour la bière. Mais tu sais, j'ai du hareng fumé qui est en jerky, du hareng fumé séché. Wow. J'ai du jerky de saumon, j'ai du jerky de porc, j'ai du jerky de bœuf et ça pogne, c'est bon. Nos artisans québécois en font des bons, fait que c'est le fun à voir. Tu sais le bout où j'avais dit tantôt que j'avais oublié de souper, mais là, ça vient de me mettre en crise. Pourquoi pas commencer avec la première bière? Dom, il t'arrive juste en temps pour ça. C'est ça, ouais, Dom, il est comme « Ah! » On va faire un autre verre. Fait que Dom, t'es finalement dans notre 99e épisode, juste avant centième. Exact. Merci d'être avec nous autres. Ben, merci de m'inviter. Merci de me recevoir, non, les gars. Ça fait plaisir. Ça me donnait bien, en plus. Ouais, mais j'étais comme épuisé. Je me disais, j'y vas-tu, j'y vas-tu pas? Puis là, j'ai comme, je suis déprimé ces temps-ci. Puis là, tu m'as comme poké au même moment où j'étais en train de balancer vers le oui. Là, c'est grave. Okay, puis Eric, j'habite juste à côté, en fait. Je suis venu avec le skateboard de mon fils. Ça m'a pris 3 minutes. Là. Ouais, j'ouvre la porte, je le vois rentrer, puis je le vois avec sa skate de kid. Là, c'est malade. Ouais, ça roule bien, ce skate. C'est-tu les genres de mini, les mini skateboard ou c'est un full-fledged skateboard? Non, c'est un petit skateboard. Tony Hawk 78. Là. Ouais. C'est cool, ces mini skates-là. Skate ça va banane, vite. En là, plus, qui revient à la mode, ça va super vite. Là, c'est ça. On est juste une petite pause, parce que Milter, je pense qu'il. Moi, c'est un death trap si j'embarque là-dessus, par exemple. Ben en fait oui ou non, ça dépend. T'as-tu ça arrive, savoir s'il faut que je parle dans le micro ou pas. Ben très honnêtement, à chaque fois je dis je vais couper de quoi, 2/3 du temps j'oublie, à moins que ça soit comme une question de vie ou de mort, genre j'ai plugué un propos antisémite en genre, onde. T'as coupé une ou deux fois, je pense. Je pense que c'est les seuls vraiment, moments où j'ai coupé. Il y a une fois, tu as dit là-dessus que tu vas couper puis que tu l'as pas fait. Ouais, plus, ouais, on commence ouais. Avec une pills. Juste à moi, c'est lui. My God. T'avais pas dit, c'est pas toi, je t'avais pas entendu, Ali, t'avais dit quelque chose que de ta brasserie. Ah, c'est ma brasserie. C'est une... Ma brasserie. C'est comme fuck, en plus de ça, il brasse sa bière. Non, non. C'est, non, mais c'est une confusion très drôle qui arrive souvent en magasin. C'est une coop de brasserie qui s'appelle Ma Brasserie. C'est souvent comme ça que je l'aborde. Je vais dire, ça vient de la coop de brasserie. Parce qu'au début, je disais, ça vient de Ma Brasserie. Ah oui, t'as un magasin et une brasserie? Non. mais c'est des gens que je connais qui ont parti ça. C'est un modèle d'affaires unique. Ils ont réussi à combiner justement le permis CAD, CSP ensemble. C'est, un, c'est assez unique. Ouais, c'est ont... très réconfortant comme senteur, celle-là que tu nous as proposé. Alors, oui, puis c'est le parallèle qu'on faisait avec la TV tantôt avec André. C'est un retour au... au traditionnalisme, aux bières traditionnelles européennes, aux lagers sèches. On a, quand on découvre les lagers avec la... Excusez, je veux pas bâcher, mais je vais le dire parce que c'est, un, c'est personnel. C'est pas la Bud que tu bâches, hein, je t'ai warné. C'est personnel. Mettons, la belle gueule Pilsner, par exemple, je trouve pas personnellement qu'elle est sèche. Puis ça... quand je dis sèche, c'est pas sucré. On n'a pas le croquant, là. Le croquant, exactement. Le crisp, le côté crisp, exactement, je le feel pas en tout. Puis quand on est habitué à ça, on peut... Moi, j'ai pensé à tort que j'haïssais les lagers pendant longtemps. À cause que tu buvais de la Boréale ou... Ben la Boréale, ça a pris du temps avant qu'ils aient sorti une lager. La Boréale, c'est laquelle? La belle gueule. Là, j'avais goûté à ça. Je pensais que j'aimais pas les lagers. J'ai découvert cette bière-là m'a fait comprendre que j'aimais les Pilsner. J'en ai parlé avec des spécialistes. Puis j'ai dit, j'aime pas les Pilsner, mais celle de ma brasserie, je l'aime. Ils m'ont dit, t'aimes les Pilsner. J'ai dit, OK. moi, je trouve qu'il y a comme un peu deux sortes. Ben, c'est très vaste, là, mais deux sortes de Pilsner un peu. Il y en a, mettons, trois que j'aime bien, qui est la Clark de Helm, oui, brassée par deux frères. Oui, tout à et fait. Et puis, j'aime bien la Trou du Diable, la Pitoune. La Pitoune. Et puis, ben, la Pils des Mers de Boréal. Puis, oui. Puis, je trouve que ces trois Pils-là, ils ont comme chacun un goût unique, tu sais. Puis, il y a comme d'autres Pils, comme la Labatt Bleue, là. Et, mettons, même, j'irais jusqu'à dire la Jet Set. La Jet Set, ça c'est tu parles d'un écouteur. En passant, ouais, c'est ça, mais on dirait que c'est Dom Bourret, il aime sa bière. En tout cas, ça, je suis comme ébahi, là, tu sais, Dom, il est comme, il arrive ici, puis il drop le knowledge. Goût puis... traditionnel de Pils, ou peut-être c'est wrong, parce que c'est pas vraiment Pils. Ben, la Jet Set est faite avec deux houblons français. Okay. Alors, on a un hybride, on a une Pilsner, mais avec des houblons français, mais qui sont très proches des houblons allemands. On a quelque chose qui est un peu... Il y a des petits arômes de fruité, de vin blanc. On est dans le délicat, là. Tu bois ça avant une blanche, là, tu sais, tellement que c'est délicat, là. OK. Mais alors, oui, que ce que j'ai apporté... Ça, je pense à une Carling. Je suis pas sûr du parallèle. Oui, goûter mais... de suite. OK, moi, j'attendais ben, c'est ça, moi, j'attendais la fin de l'explication. Goût, moi, je... on peut y goûter tout de suite, c'est la bonne fin. Non, mais je veux comme assimiler le savoir puis goûter le savoir. Comme... Ouais, ce que je veux ajouter, ben, premièrement, le brasseur qui est excellent. Fais ça vite. Oh, excusez, je dirais. Marc Bélanger, qui est le fondateur du Brouhaha et de ma brasserie, qui a brassé ça. Oui. C'est comme, non, mais je veux pas te couper, mais je prends ma première petite gorgée, puis tu goûtes une bière. Je veux pas te couper, mais c'est une bière. C'est pas mal ça que je fais, mais... de ma brasserie. Le fondateur, parce que là, ils sont plusieurs, mais ouais. Le fondateur du Brouhaha et de ma brasserie, Mac Bélanger, qui est un excellent brasseur, a fait cette bière-là pour lui. Parce qu'il adore les Pils, puis c'est plein de houblons Saaz, S-A-A-Z. C'est le houblon typique de la République tchèque avec lesquels il faisait des Pilsner. Puis on retrouve ça en quantité, une bonne quantité dans cette Pilsner-là. Puis il y a un bon dry hop, c'est-à-dire une infusion de houblon à froid après l'ébullition. Et c'est un houblon noble qu'on appelle. C'est pas des houblons qui goûtent les fruits tropicaux comme des New England IPA. C'est des houblons qui vont goûter herbacés, épicés. C'est ça que je me Je sais que ça sonnait cru que je dis que ça goûte comme une bière, mais je trouve que c'est qu'est-ce qu'une bière classique goûterait. Là, tout à fait. Tout à fait. Alors là, j'ai pas un poète. On a une bière classique, traditionnelle, super bien faite. Là, il y a comme donc c'était c'est la goût, herbeux. Il y a un petit le Saaz. Moi, ce que j'aime, ce que j'aime, c'est comme Dominique, il disait, il y a un côté crisp, qu'on appelle, qui a été, ouais, traduction libre, croquant, qui est le côté qu'on dit que quand c'est pas sucré, il y a un rafraîchissement, puis ça finit sec à cause que c'est pas sucré. T'sais. Exact. Puis le houblon sasse laisse un petit piquant, ça a la langue d'épicé. Ouais. C'est une bière de soif incroyable. Cheers. Merci d'être avec nous autres. Hey, cheers. Honnêtement, là, cheers, guys. Cheers, guys. Notre première et non notre dernière. Honnêtement, là, j'étais content de savoir qu'on faisait ce show-là en soir. Moi aussi. Parce que je me suis réhypé en écoutant l'épisode 18 en loop. Puis, t'as une manière de verbaliser la bière. Puis, c'est pour ça que j'attendais que t'aies fini d'expliquer. Parce que t'expliques le goût, mais tellement t'as une manière de le banaliser, tu sais. Pas banaliser, mais comment je peux dire, mais... Le vulgariser. Le vulgariser, merci. Banaliser, c'est totalement détrimental. Tu rends ça plate. Non, mais tu rends ça accessible, je trouve. Tu sais, tu l'expliques, puis après ça, tu sais, la dernière fois, tu nous parlais des goûts, de la bière qui avait du sapinage dedans. Là, oui, que, oui, oui. La Annabelle. Tu l'as décrit, puis je me souvenais du goût. Je réécoutais l'épisode, j'étais comme, c'est vrai que ça goûtait de même. Ben là, imagine, je commençais, j'étais un beer geek, j'étais un fan de bière qui commençait à faire ça dans la vie. Là, ça fait 5 ans que je fais ça. Un beer god. T'es un spécialiste, là. Je peux pas. J'ai écouté votre épisode, mais il peut pas prétendre. Il a pas fait les études. Non, mais je peux. 4 ans plus tard, justement, cette fameuse question-là. 4 ans plus tard, je vais être un spécialiste pour monsieur et madame tout le monde, mais il y a des gens qui connaissent ça bien plus que moi. Moi, j'ai déjà été un spécialiste chez Microplay. Bah, ouais. Tu vois. Moi, je suis un spécialiste dans ta cuisine. Le terme spécialiste facilement. C'est comme, hein? Là-bas, ils lancent le terme spécialiste facilement à tout le monde. Ouais. C'est comme au bar, Cadamtel, on lance le mot champion du monde souvent aussi. Ouais. Non, c'est ça. Dans notre petit monde. C'est ça. Écoute, sans obligation contractuelle, je serais peut-être un spécialiste de bien des affaires. Et aussi. Voilà. Mais si on peut parler de ma brasserie, vite, est-ce que Hochelag ferait pas la même affaire? Brasser la bière de tout le monde, genre la Shelton, la bière à Québec, là, c'est sans... Ça peut de l'extérieur. Dans le fond, chez Hochelag, c'est brassé par contrat. Chez ma brasserie, c'est supposé être... en tout cas, au départ, c'était supposé être des gens qui sont membres de la coop. Parce que c'est pas une compagnie, c'est une coop. Ah, OK. Fait que c'est membre de ma brasserie ou tu donnes tes contrats de brassage à Hochelag. Ouais, en gros, c'est supposé fonctionner de même. Il me semble que c'est toujours ça, à ce que je sache, à ma brasserie. Hein. Fait qu'à ma brasserie, c'est les gens qui vont sur place brasser leur bière. Tandis que chez Hochelag, il y a du monde qui est là qui abrasse pour toi. Tu dis, fais-moi une... Chez Hochelag, je suis pas sûr de tout, mais par exemple, tu sais, l'Avant-Garde, la Jet Set, puis Jukebox, qui sont Renault et Sean, eux autres sont sur place, puis ils brassent leur bière. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr pour les autres, là. OK. Hey, c'est, ça c'est, m'intéresse, moi, ce bon. Genre de concept de... Je suis venu pour ça. Pour te poser des questions. Hey, j'ai bien des idées. Ce qui est cool, c'est que, tu sais, c'est comme tu nous start. Tu sais, la dernière fois, tu nous avais starté, puis il y avait comme une escalation. Déjà là, c'est fucking bon. J'aime comment tu inventes des mots. Une escalation. Hey, j'en invente plein à soir. C'est super quali. Hey, on est là pour avoir du fun. Puis il y a une amertume aussi qui vient du sas qu'ils ont mis au début de l'ébullition. Puis le sas qu'ils mettent à la fin, c'est lui qui donne le petit côté épicé, côté aromatique. Puis je veux dire, le goût de céréales est tellement bien fait. Mais c'est ça, je m'en allais dire. Là. C'est comme ça. Ça goûte la bière. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, cette expression-là. Je l'entends souvent, t'as-tu quelque chose qui goûte la bière? Moi, j'ai comme un étourdissement quand les gens me disent... Un vertige quand les gens me disent ça, parce que la bière... Tout est correct, Olivier. Non, mais ça... Toutes les bières goûtent la bière. Une Berliner Weiss, même s'il y a des arômes de citron, pour moi, ça goûte la bière. La bière. Avant qu'il dérape, je comprends que... Ce que les gens veulent dire, ça goûte la bière traditionnelle. C'est ça. Parce que pour moi, ça goûte comme ma... Comme moi, quand je sens une pils... Je goûte les premières bières, comme le premier effet que j'ai eu quand j'ai goûté une bière la première fois. J'ai 12 ans. Ouais, moi, ça goûte pas ça, parce que la tornade, c'était pas mal plus fruité que ça. Ouais! Sucré. La boule, pas nécessairement fruité. C'est pas mal plus malté. Je dis pas ça méchamment, mais quand j'essaie de dire... Boule max. Je veux pas t'étourdir avec ma généralité, là, je comprends ton point sur ça. Le métal. Mais c'est un compliment. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est un compliment de dire ça. C'est comme un pain. c'est comme ça goûte un vrai pain normal. Je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai fait un parallèle parce que souvent on se fait demander ça. T'as-tu de la bière qui goûte de la bière? Puis les conseillers en bière, si jamais ils écoutent, ils vont se reconnaître. On devient un peu mêlé. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Okay. Parce que, la prochaine fois, je vais faire ça de poser cette question au biérologue. On le sait qu'il est. On le sait ce que les gens veulent dire, mais c'est quand même mêlant. Mais c'est on sait weird, qu'ils veulent dire une bière blonde, bien simple. Ou en tout cas, j'imagine qu'ils veulent dire ça. Ben, comme dans. Tu as comme un six-pack de bouche caché en arrière du comptoir, tu fais. Ben, tu le dépoussières, tu le drops. Tu sors la bonne vieille Archibald, là, qui est genre la go-to bière quand tu veux pas boire de la bière de pisse, mais que tu comprends pas ou que t'oses pas trop payer ou t'embarquer dans la micro. On dirait que cette bière-là est devenue un entre-deux. Elle est un. Moi, je l'utilise comme un entrée de gamme. C'est une bière quand même clean, très bien faite. Semaine, comme on dit. Ouais, ça peut être ça. Oui, absolument. La Boreal IPA, c'est une IPA de semaine. Ouais, c'est ça. Pour des pimps. C'est pour ceux qui ont du clout. Il en reste un peu, si tu veux faire un dernier tour. Moi, je vais peut-être laisser mes collègues. Moi aussi. Parce que je vais... Le houblon Saz, sais-tu comme. Puis tu sais, le citra, toutes ces affaires, toutes ces sortes de houblons-là sont si difficiles à obtenir, n'as-tu, qui sont plus. Tu commandes ça où? Mais ça je pousse pas un... ça pousse pas au Québec. Je suis pas un brasseur. Moi, je commande des bières déjà brassées. Je commande pas du houblon. Mais je peux t'en parler quand même. Le citra, en tout cas, je sais qu'il est dur à obtenir. Parce que la plupart des brasseries qui en veulent puis qui brassent leur bière régulière avec ça, en partant par les bières du Vermont, s'ils sont capables, ils vont pogner des contrats d'exclusivité avec une houblonnière pour, mettons, 3 ans. Fait que pendant 3 ans, l'houblonnière, tout le citra s'en va là. Puis si jamais il y a un peu d'extra, toi, tu peux en avoir. Wow, OK. Fait que ça, c'est des houblonnières qui fabriquent le houblon. Qui font pousser le houblon. Ouais, okay. Ils fabriquent pas vraiment. Ouais, ben, ça, c'est plaisir. Ils courent. Ils font pousser. On fabrique pas des ananas. En on passant, les fait pousser. Dom Bourret, le crasher le plus préparé que j'ai vu de ma vie. Il arrive avec son knowledge. Okay, mais okay. Ça me fait rire un peu la manière qu'on parle des houblonnières puis le fait que le monde, il boucle le houblon pendant 3 ans. J'avais écouté un documentaire sur le sushi il y a pas longtemps, puis c'est la même affaire. T'sais, c'est comme le restaurant boucle son poisson à telle place, mais le riz. Le riz qui est l'ingrédient le plus mal pensé du sushi, mais c'est l'affaire la plus tough apparemment. T'sais, c'est s'appelle Jiro I Dream of Sushi ou quelque chose de même. Puis le gars, il a un deal, c'est comme la sommité du sushi dans son domaine. Puis ça fait comme, je pense que c'est 50 ans qu'il achète son riz là, mais le gars, il dit « je vends pas à personne d'autre, je vends juste à lui, that's it nice. ». Fait que... Tu sais, tu peux pas avoir le même riz de nulle part. Tu n'auras pas même. Puis après ça, tu as la méthode qui va le cuire, qui va le préparer, qui va le faire. Mais tu sais, toute l'exclusivité de l'ingrédient, je trouve ça cool aussi. Comme les patates aux Five Guys. Là. Puis oui, peut-être. Ouais. Ça fait longtemps que je suis pas allé aux Five Guys, mais c'est bon. Good. Non, mais c'est parfait. J'adore quand ça arrive, ça. C'est encore mieux. C'est parce que quand tu vas dans un Five Guys, ils sont reconnus. L'affaire qu'ils vont monter, c'est qu'il y a toujours une photo. Épicée ou pleine? Okay. C'est l'huile de peanut. Hein? Check, j'ai fait un inconfortable, mais plein. What? Au Five Guys? Épicé, man. Non, moi, quand je vais au Five Guys, là, c'est parce qu'ils ont des frites hyper perfect traditionnelles. Ok, on n'embarque pas là-dedans ce soir. J'ai toujours une photo de la ferme qui nous fournit des patates à ce jour-là. Olivier, il est comme tabarnak. Oui. Je me dis, à chaque fois qu'on parle de bouffe, il souffre parce qu'il a pas soupé, puis l'autre, il reparle encore de bouffe, il a pas compris. En plus, il prend même pas les frites épicées. Reste chez vous, Chris. Moi, je peux même pas. Je suis arrivé là avec ma famille. Ah, c'est vrai, c'est l'huile de pinot. On sort tous les enfants du char, si on marche. On va manger du Five Guys, première fois. C'est cancéreuse pour ça. On arrive, tabarnak. Peanut, lui, ma femme, puis moi. La porte ouverte, Milter a gaspé for hair. Ah, en plus, t'as les barils de peanuts au Five Guys. C'est ça que tu manges en attendant. On est juste rentré dans l'entre deux portes. Ah, okay, c'est vrai, y a-tu de la bière aux peanuts à son Non. Non, ok, on essaye. Ça existe-tu? Je l'ai vu une fois. Ok. Puis j'en ai revu aux États-Unis, mais il y en a eu une, Bose en ont fait une année. Moi, je te dis ça de même, achète-en pas. Parce que tu viens de couper 10-15% de ta clientèle. Ouais, ben là. 25% dans 20 ans. Ouais, mais tu sais, c'est fermé, c'est pas comme un baril de peanuts. Non, mais je veux dire, c'est un produit qui prend de la place d'un autre produit que ce client-là aurait pu acheter. Ouais, c'est vrai. En tant que on verra le hype là, autour de cette bière-là, parce que j'ai bu un porter au bar de peanut des États-Unis qui était quand même assez délicieux. Oh, ça, je serais intéressé. Quand même. Mais c'est, tu me encourage pas ça. Milter va jamais comprendre. Bar de peanut. Ah, j'en ai drôle là. Tiens-toi tranquille, Joe. Je le vois depuis tantôt. Dominique, il m'a posé une question sur le houblon, puis ça vient de me faire penser à un sujet qui introduirait la deuxième bière parfaitement. Nice, go on the segue. Les, tu sais que ça dérape, ça va juste downhill de là, Olivier. Hein. Ah, mais c'est ça, y a-tu un plan là, où on peut dire ce qu'on veut? Olivier, de main de maître, semble ramener les conversations pour introduire. On va laisser Olivier gérer qu'est-ce qui se passe par sa propre... son propre découragement. Okay. Là, on a parlé de la business, Olivier. Ça, ça c'est déjà tout fait. Ça, ouais. Ça c'est fait. Là, on est rendu à la discussion, puis Olivier nous ouais, nous de la découverte. C'est ouais. Ça. Fait, vas-y. les houblons nobles, qu'on appelle nobles, qui sont les vieux houblons, en fait, comme le SAS dans cette bière-là, ben y a des houblons anglais aussi. Puis, faut dire que toutes les IPA qu'on connaît aujourd'hui, puis tous les trucs qu'on appelle fruités, juicy, etc., viennent des nouveaux houblons. Puis de où ça vient, ces houblons-là, c'est ça que je veux parler. Le SAS, puis les... je me souviens plus lesquels houblons, mais ils ont fait un croisement entre deux, trois houblons nobles, et ça a donné le houblon Cascade. Qui a été Cascade le... qui est super bon, en ouais, fait. Là. Qui a été le premier houblon... Qui a parti la nouvelle révolution brassicole aux États-Unis, je pense que ça a parti dans les années 70 à peu près. Puis ce houblon-là, ils l'ont créé, puis ils l'ont même pas breveté parce qu'ils trouvaient ça dégueulasse au début. Ils l'ont laissé pousser de même, tout le monde avait le droit de le prendre. Puis un mané a comme réalisé que ça donnait des résultats incroyables dans la bière. À partir de là, ils ont fait d'autres croisements avec d'autres houblons nobles, puis tous les houblons qu'on connaît, Citra, Mosaïque, Galaxy, tous les houblons qu'on connaît aujourd'hui, c'est tous des croisements de houblons nobles qui sont devenus, tu sais, regarde, les houblons, on a eu l'occasion d'y goûter à la pils, ça goûte épicé, feuilles de tabac, herbacées, ça s'arrête là. Mais là, maintenant, ça goûte la mangue, l'ananas, l'orange, la clémentine, c'est complètement fou. Puis c'est tous des croisements de houblons comme ça. Et là, ça m'amène la bière que je vais vous présenter. On n'a pas vraiment besoin de rincer, là, on va être correct. Ouais, on va rincer un peu avec de l'eau. Là. Ah! Ouais, faut pas. Ouais, on fera pas ça en. Fucker le goût, là. On va faire ça comme du bon. Excusez, je suis pas gagné avec l'écouteur. Ah, shit! Non, excuse-moi, Eric, je veux pas travailler en dessous dans le joint. Ah, c'est correct. Elle est toute moisie. Et bien scellée. Ouais. Fait que tu vois qu'Olivier, en 4 ans, notre rigueur ne fait qu'accroître avec les années. Hey, mais non, mais ça l'avait fini en folie l'autre fois. Parce que ces bières viennent de plus en plus fortes aussi. Ouais, hein. Je me souviens, celle avec le chocolat, c'était celle que ça avait fait comme à partir de maintenant. Tes shades, t'as mis tes shades. Mis tes lunettes. Tu sors tes lunettes, la lumière ambiante est beaucoup trop forte. Ah non, ça va pas trop fort encore. Ah good. T'as combien de sortes de planifiés? 5. On a un repas à 5 services ça, ce soir. Un décapsulaire, Eric. Je l'ai. Oui, ouais, c'est ça. Eric, est-ce que je peux te mandater comme preneur de photos de bouteilles de bière officielles? Oui. Ouais, j'ai arrêté de prendre des photos. Ben j'ai pris des photos, mais des buds. Ouais, ceux-là. Oh première, fuck! Première photo que je monte du live, c'est lui avec une Budweiser. Attends, c'est quoi que ça sent, man? Donc ici, on a... Là, vous pouvez vous en servir généreusement. C'est une bière à 3,8%. C'est une bière de soif. C'est une bière de soif, oui, puis c'est un brasseur que j'adore, Benoît Morin, Brasserie Morin, qui est un peu pour moi un, je dirais pas un génie du brassage, mais un excellent brasseur. Et là, on a ce qui montre beaucoup aussi l'évolution du marché depuis la dernière fois qu'on s'est vu, l'évolution de la bière puis l'influence des États-Unis, à quel point on a rattrapé le retard sur les États-Unis. La dernière fois quand on s'est parlé, on était à peu près 10 ans en retard sur ce qui se fait aux États-Unis, puis là on est presque là. Fait qu'on est rendu à la position numéro 5. En termes d'innovation puis de diversité, c'est certainement pas en termes de traditionnalisme ou d'héritage brassicole, mais en termes de diversité d'innovation, on se situait, d'après ce que j'avais entendu, top 5. Et là, top 5, mais pas nécessairement 5e. OK. On était dans les 5 nations. Puis là, Je le sais pas. Je suis pas sûr que c'est difficile à quantifier. Apparemment qu'on est juste derrière les États-Unis, puis les États-Unis sont numéro un. Ouais. Mais encore là, ça dépend qui quelqu'un en Allemagne, il serait peut-être pas d'accord avec nous autres, mais eux autres, c'est traditionnel, c'est pas pareil. Mais la bière au Canada, quand même, il y a toujours les running gags. C'est peut-être juste au niveau des macro-brasseries, mais... Le Canada est quand même très fort par rapport aux États-Unis quand ça vient à la consommation et aussi à la création. À la consommation, création. Ouais, mais la bière, il y a toujours des jokes comme aux États-Unis. Au craft beer aux États-Unis, je suis d'accord, là, c'est un autre niveau. Mais Canada. Quand ça vient à la bière commerciale, on est bien meilleur au Canada. Là. Je sais pas. Dis oui. Ben, je sais pas exactement. Okay, la bière. On va se dire oui. La bière commerciale aux États-Unis aussi est rendue. Je veux dire, il n'y a pas juste la Bud, il y a des trucs malades. Hey, je suis content, la Miller est de retour au Québec en plus. La High Life? Ouais, man. Nice. It's back. Je viens de sentir la première. Go-to bière. Honnêtement, c'est pour la bière. Je veux juste boire la bière. C'est ça. Tu sais, t'as fait le gazon, mettons, là. Puis là, c'est. Olivier, il essaie de dire des choses parce que je l'ai senti. Moi, je me suis trempé les lèvres, puis j'ai jamais bu quelque chose de même. C'est spécial, là. Goûte le jus. Oh, c'est une sour, ça? C'est pas une sour. Oui, c'est une sour. Oh. Là, on a... Focus. on a un bel exemple, justement, là, de l'influence des États-Unis. Les bières surettes s'en venaient à mode quand que ça s'en venait au Québec la dernière fois qu'on s'est vu. Et là, c'est bien, bien présent. On a quelqu'un ici, Brasserie Morin, Benoît Morin, qui maîtrise très bien ça. Il a fait une ale sauvage acidulée, donc une sour. Et houblonnée cette fois-ci, parce qu'il y a la régulière comme ça, qui a du houblon américain. Et là, il y a des houblons américains puis des houblons austros, c'est-à-dire des houblons de la Nouvelle-Zélande surtout. Il est allé chercher des houblons, il a fait des tests, il est allé chercher des houblons pour avoir un arôme d'ananas le plus possible. Puis on se retrouve avec une bière qui la nappe parfaite pour cette bière. Ouais. il y a aussi ça goûte beaucoup aussi la clémentine. Puis avec la levure acidulée, on a aussi une impression de carambole. Le fruit tropical en étoile. T'as au moins notre auditoire habituelle qui a fait une carambole quoi? Non, mais tu ris, mais la carambole n'est pas si sucrée, en fait. Puis non, c'est surtout acidulé. Tu as nommé son sucré, puis la carambole, non. Non, ben, j'aurais pensé plus à ça. C'est ma référence à la levure qui est acidulée, la carambole plus. Ouais. Puis les houblons, en fait, vont avoir les arômes, mais pas le sucre. Ouais. Je parle des arômes. Faut enlever le sucre de l'équation, parce que c'est pas sucré, cette bière-là. Elle est acidulée et aromatique. Fait t'as l'arôme de l'ananas, la clémentine, puis le sour un peu de la carambole, c'est un sour très de fruits tropicaux. Goûtons-y. C'est une bière de soif incroyable. C'est comme un jus de fruits pas sucré. Ouais, non, mais c'est ça, je m'en santé, guys. Ouais, santé. Le pire, c'est j'ai que déjà goûté. Je suis pas un fan de jus d'ananas, dit de clémentine ou de quoi de même. Là. Non plus. Puis, mais moi, je suis pas un fan de sour. Il y a quelque chose qui vient rajouter qui fait que ça l'équilibre les goûts, si on peut dire. Je sais pas comment dire ça, là, mais... Et je sais, mais c'est tellement bien travaillé avec les levures. Il a mis des bactéries lactiques pour aller chercher le sour. C'est trop... Personnellement, quand je le regarde puis tout, puis je goûte, la seule affaire que j'aime pas, c'est l'étiquette. Ouais, le branding... c'est mon côté graphiste, peut-être, là, là-dessus, ils, mais... Ils peuvent pas tout avoir, les brasseurs. C'est brasseurs. Ça, non, c'est non. Ça. Mais le reste, mais j'aime pas, moi, mais j'aime moi pas je l'ai pas. Sour, puis sérieux, c'est ça. Un bon? Ouais. Mais j'en boirais pas 12. Je dis ça de même. Moi, j'ai une question pour toi. On mentionne doublement houblonné à froid. Parce que houblonné à froid, houblonné à chaud, houblonné à... Ben, à chaud, c'est pendant... La bière, habituellement, est bouillie pendant une heure. OK. Le moût de bière est bouilli pendant une heure, puis le houblon qu'on va mettre pendant l'ébullition, c'est le houblonnage traditionnel, si tu veux. OK. Et le houblonnage qu'on va mettre pendant la fermentation, quand on dit à froid, on parle de pendant la fermentation d'une ale, c'est à température pièce. Donc, c'est elle serait houblonnée, donc ils l'ont fait doublement fermenter, c'est ça? Ils l'ont doublement houblonné pendant la fermentation à température pièce. Okay. Puis quand on dit doublement houblonné, par rapport à quoi? Mais par rapport à la régulière, parce que ça, c'est la doublement... Parce que la régulière, c'est la 23-26-14. Okay. La régulière, la 23-26-14, qui sont les coordonnées géographiques des tropiques du cancer. Oh. Hmm. En tout cas, moi, j'aime pas bien ça. Désolé, faut que je le dise. Les sour, t'aimes pas ça, toi? Moi, je suis pas un fan de sour. Elle est tolérable, là, je suis capable de la boire un peu. Ouais. Mais moi, je dirais délicieux, mais chacun son. Oui, non, mais c'est ça. En fait, tolérable, à quelque part, je comprends le trip pour les sour. Moi, j'ai jamais aimé les bonbons sucrés non plus. Là. C'est, moi non c'est plus, vraiment ma palette c'est, pour c'était moi. C'était sucré là. Aussi, par exemple. Moi, c'est peut-être ben, ça, dans le fond, qui fait que je suis pas un fan d'ananas ni de clémentine, mais j'aime les affaires sucrées en général. Fait que peut-être c'est ça qui vient. À replacer le goût là quand... Moi j'ai eu que des ouais ça se peut c'était les, je l'aime bien c'était les quand l'espace public ils ont fait leur bière là qu'ils vendent encore je me trompe pas c'est leurs canettes là, les ruelles oui, oui, tout oui. Ça quand ils ont sorti originalement j'ai fait le tracard juste pour pogner je me suis fait limiter à une ou deux bières chez François le dépanneur oui. Ça fait comme ça qui est un ami salut François ouais, super cool mais l'affaire qu'il y a c'est je m'attendais pas à une sour. Puis à chaque fois, comme je m'attends pas à une sour, c'est toujours une surprise. Puis quand tu t'attends, je m'en rappelle, j'étais sur le fleuve, il y avait le gros soleil qui sortait, je voulais juste de quoi de soif. Puis c'était l'affaire la plus débosante de ma vie. Pourtant, mais... une sour, c'est une affaire de soif solide. Ah, ben pas pour moi, juste pas pour moi. Moi, c'est... ce que non, j'aime c'est la ça, sour, ouais. c'est les étages de goût. Je sais pas si ça le décrit bien, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Je prends la gorgée, puis là, je goûte le pétillant. Oui. Puis après ça, je goûte la bière en tant que telle. Il y a comme ouais, des étapes à mon goût quand ouais. Je vais prendre ma gorgée. C'est plus effervescent. Il l'a bien gazéifié. Ouais, ouais. Mais ça, c'est le genre de bière que tu me donnes à 1h du matin, bien avancé dans ma soirée. Je vais capoter, j'en suis sûr. OK. C'est pas pour te partir. Pas pour me partir, par contre. Mais est assez juste pour la déguster aussi. Elle est assez légère. Puis qui... vous allez voir, la bière d'après va bien couper le sour. c'est bon à savoir. C'était voulu. C'est pas une, comme, je comprends le trip des sour. Là, je la comprends. J'en ai déjà parlé avec Dom aussi. Là, les sour, pour moi, c'est juste quelque chose qui vient pas me chercher. Moi, ce que je trouve cool en plus, c'est puis je suis d'une thématique. Il y a des motons. Strat, là, mais c'est comme. Du tout dépendant de comment tu regardes. Des fois, elle va être ultra transparente, puis des fois, elle va être comme ultra jaune couleur. Ou, c'est vraiment cool. Ouais, mais je vois qu'il y a de la technique dans ça. Là. Ah oui, non, c'est. Comme je le vois. Ouais, c'est pas évident réussir une bière là. Comme ça. Oui. Puis, comme je te dis, il a fait plein de tests. Ce gars-là, si je me trompe pas, il se concentre. Il y a une job temps plein, puis il fait d'autres choses. OK, fait que ça, c'est pas son gagne-pain non, de pas tous du les tout, jours. Pas du wow. Tout, mais imagine okay, s'il se concentrait sur la bière à ouais, tous les jours, lui, clair, il ferait des grandes choses, pourquoi je crois. Pourquoi il fait pas? Bon, là, faudrait lui demander. J'essaie de le convaincre de venir faire une dégustation au magasin parce que je dois être son plus gros fan. Mais lui, sa bière est vendue partout, quand il en fait, quand il a le temps. Certains détaillants. Est-ce que c'est les bières qu'on a bues à date là, comme là il y a la Pils pis oui. C'est-tu limité ou c'est des trucs que ça, tu tiens pas mal à l'année longue? Brasserie Morin c'est quand elle est brassée. Okay. La Pils je la tiens à l'année longue. Ok. Ben ça je pense que ça serait bon tu sais quand au fur et à mesure de notre aventure gustative de ce soir tu sais qu'on le mentionne tu sais ça c'est-tu quelque chose que t'écoutes le show puis oh my god rush le magasin parce qu'il n'y en aura probablement plus ou c'est quelque chose que tu peux trouver pas mal tout le temps. Ben, Dom, il nous en a apporté de ces bières-là sans le savoir. Mais il en a apporté si ouais, on mais veut. C'est sporadique. Hein? Quand quelque chose est super populaire, ça revient toujours quand même. Ouais. Moi, je suis comme déstabilisé de la chemise de Milter. Je pense en 4 ans, c'est la première fois qu'il met une chemise pour venir au rec. Ouais, parce même la chemise, parce qu'il y a une chose qu'on avait fait un bye-bye. Puis on avait fait un bye-bye, puis il avait mis un veston, mais il avait pas mis de chemise. Mais il avait mis un veston, fait que je suis comme... J'aime ça, fait que là, Milter, il commence à être un peu pompette, qui veut dire oh. Il ramasse. Ah, oh, c'est vrai, ça! N'importe qui a la chance de passer une belle grosse débrosse avec Milter très tard le soir pour même des fins de semaine. Tu n'auras pas de ménage de le lendemain. Tu vas voir qu'il n'y a pas de ménage. Que... Milter, c'est ouvre. Le meilleur gars quand tu fais un party parce que tu te couches puis lui, il dort pas. Mais c'est parce qu'il a compris mais la game. Mais toi en plus. Puis il a vraiment lèves, compris la game. Je dors pas. Tu te lèves, il a passé le bain. Il va être couché à terre dans notre salon, tu sais, en train de faire du manspreading à côté. Mais par contre, tout le balai va être passé, les bouteilles de bière vont être cordées. Ou dans le bac de recyclage, puis tout est correct, tu sais. Ah, puis tu te demandes pourquoi que Martine, elle reste avec, là. raison numéro un. Ah oui. Martine, elle veut faire le ménage, elle y achète une caisse de 12. Puis... C'est pas pareil qu'un chinois. Donc, fait que là, on a eu une une pils, on a eu une sour. Ouais, une sour houblonnée. Donc, qu'il y a des arômes. Mais je trouve pas qu'elle a le goût du blond, par contre. C'est tout moi qui... Est-ce que t'as trouvé qu'elle était fruitée? Je trouvais... Fait que c'est du houblon. Moi, je trouve pas, non. T'as pas trouvé que ça goûtait des fruits tropicaux? Ah, t'en as d'autres encore? Je te l'ai parce qu'il y a du houblon. Au nez. Il y a du houblon dans... Au nez, c'est très fort. Au nez, oui, mais c'est au nez que tu perçois ça. En bouche, tu perçois juste le sucre puis l'acidité. Je trouve qu'elle goûtait l'ananas. Alors, je m'excuse, le jus d'ananas. Oui. Si je veux comparer, ça sent très fruité. Avec les produits. Non, mais dans... À côté... Dépanneur populaire? Non, le pigeon, là. Voyons. Le pigeon? Le pigeon. L'espace public? Ouais. Oui, c'est ça. Je sais pas, je trouve qu'on est ailleurs là, comparé à l'espace public. Mais ben, la bière de Ruelle, c'est sensiblement la même chose. C'est une bière surette houblonnée. Mais disons que celle-là est faite par avec le souci du détail extrême. Puis il y a des houblons qui coûtent plus cher, puis il y en a plus. Je me lance dans une théorie totalement abstraite, mais est-ce que le pourcentage d'alcool pourrait avoir un impact sur le goût? Comme là, tu disais que celle-là était un 3 points quelque chose. Mais ben, ça, ouais, c'est la jamais Ruelle... très alcoolisé. Non, ça dépend. Là, la bière de Ruelle, la sour houblonnée de l'espace public est 6.5. Ah, tu sérieux? Okay. Ouais. Parce que toutes les autres sont 3. Mais celle-là est devenue meilleure sur le fleuve. 3.5. Rendu à deuxième. Oui. Mais c'est souvent comme ça. Souvent rendu à deuxième. Mais celle-là, moi, je l'ai aimé parce que... Moi, je knock pas down sur les surettes. Je veux juste dire que moi, j'aime pas ça. Ouais, mais c'est comme, garde, tu sais, on s'entend, la grosse mode, c'est les IPA. Il y a eu la mode des surettes. Mais tu sais, c'est ça qui est cool, moi. Je trouve des bières, c'est qu'il y en a tellement de sortes, il y a tellement de brasseurs, il y a tellement de variétés qu'à un moment donné, tu trouves ta sorte, puis c'est là que tu peux commencer à explorer, tu sais. Puis après ça, tu peux redécouvrir une sorte que tu pensais que tu n'aimais pas, puis... Mais je trouve ça le fun que vous apportez, qu'Éric t'apporte cette information-là, que tu n'as pas l'impression qu'elle est houblonnée. C'est ça que je trouve fascinant avec ces bières-là. C'est pas comme une IPA. Quand c'est houblonné dans une bière surette, c'est pas du tout comme dans une IPA, mais c'est la raison pour laquelle on a l'impression que c'est fruité, même si vous n'avez pas l'impression. Là. Moi, j'ai la forte impression que c'est fruité. Parce que moi, l'affaire qu'il y a, c'est quand ça vient à ma découverte du craft beer. Ma première bière artisanale, pour moi, c'était Unibrew quand j'étais jeune. Oui, moi aussi. Je traversais le fleuve, je traversais la rivière des Outaouais pour aller à Hull. On se prenait un six-pack de fin du monde ou de maudite. Puis ça, c'était la grosse, grosse, grosse affaire. Qu'il y avait une bière brassée au Québec, pas par les gros joueurs, puis ça nous faisait capoter. Puis ça, c'était mes premières expériences de bière artisanale. Puis après ça, la bière puis l'alcool, ça a disparu un peu dans ma vingtaine. J'ai vraiment pris ça mellow. J'étais plus un fumeur de potes. Puis je buvais pas trop. Quand j'ai recommencé... Ouais, ça, c'est une autre histoire. Mais quand, après ça, j'ai recommencé à redécouvrir la bière, qu'est-ce qui m'a fait retomber en amour avec la bière? C'était une IPA boréale. Quand les IPA commençaient à ressortir, puis elle venait de sortir, la IPA boréale, c'était la grosse affaire. On a eu de la misère à même en trouver. Je m'en rappelle, c'était difficile au début, de trouver une IPA boréale. Ouais, au début, quand elle est sortie... C'était la grosse connerie. Puis, mais pour moi, ce goût-là, c'était le goût houblonné. C'était le goût vraiment... Du houblon, tu le goûtes le houblon dans la gueule. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, goûte dans la gueule. Une feuille de houblon. Quote de l'épisode. J'exagère, mais c'était pour ça. Fait que quand moi quelqu'un me dit houblonné, puis après ça je goûte ça, puis je comprends pas les différents stades. Tu sais, là tu me dis houblonné, puis on dirait que j'apprends que houblonné c'est un petit peu comme un genre. Ouais, t'sais. Mais c'est comme si t'aurais mangé la sauce épicée toute ta vie, puis là tu tombes de quoi que le monde va dire c'est épicé ça. Fuck off, man. Ouais. Je me suis déjà brûlé à gueule plein de fois. C'est peut-être que j'étais habitué à un goût houblonné tellement... Je vais parler d'une technicalité, puis peut-être que ça peut t'aider à comprendre. Ouais. Dans le fond, les IPA, ben comme je disais, pour avoir l'amertume d'un houblon, tu mets le houblon au début de ton ébullition, puis tu le fais bouillir pendant 60 minutes, puis c'est ce qui va faire sortir l'acidité alpha, puis c'est ce qui va donner l'amertume. Plus tu mets ton houblon vers la fin de l'ébullition, plus le côté aromatique va sortir, pour tourner les coins ronds de l'explication. Tu vois, dans les IPA nord-est, les IPA New England, là, j'aime mieux utiliser l'appellation New England, puis ces IPA-là, le houblon est mis uniquement dans le whirlpool, c'est-à-dire uniquement dans le refroidissement. Donc, le houblon est mis à la fin du 60 minutes quand on refroidit le mou pour le préparer à la fermentation. Et là, c'est là que il y a juste du côté aromatique puis des huiles essentielles qui sont extraits. À ce moment-là, est-ce que tu trouves que c'est houblonné aussi, une IPA New England? Non. Justement, quand j'ai goûté la New England IPA, la première affaire que j'ai réalisée en goûtant, c'est que c'était pas ça me faisait penser plus à une... quand j'avais goûté, j'avais déjà goûté la milkshake de Jukebox. Ouais. Puis je trouvais que ça me faisait penser plus à une milkshake. Puis là, j'ai réalisé que c'était un peu une milkshake. Milkshake, c'est une New England, c'est ça, mais c'est avec ça. Là, j'ai découvert. Là, j'ai réalisé ça parce que je pensais que c'était deux affaires complètement différentes. Puis je sais pas comment dire ça, mais c'est ça. Non, je pense. Je comprenais pas le terme. C'est ça, c'est que c'est un houblonnage différent. Ouais, c'est qu'il y a l'houblonnage, quand t'as pas d'amertume pour supporter le côté aromatique... Ça faisait passer à Disco Soleil, pour moi. Parce que pour moi, la Disco Soleil, c'est de quoi? C'est un de mes coups de cœur. Oui. C'est une IPA, je pense, aussi. C'est une IPA aux fruits. C'est une IPA aux fruits, comme quat. Du comme quat, oui, tout à fait. Puis quand j'ai goûté la New England IPA pour la première fois, ça me faisait penser plus à ça. Qu'une IPA traditionnelle. Moi, quand je me l'attendais, je m'attendais vraiment pas que ça soit aussi fruité. Mais en même temps, c'est une genre de bière que je me suis imaginé un goût pendant tellement longtemps parce que tu t'es agacé avec des astis de photos ici et là. Puis de trouver. Quand je t'allais te l'acheter, là, puis j'étais gros sourire, je t'allais apporter une coupe chez Dom, j'étais comme, oh, tu vas avoir voulu goûter cette petite bière-là. Puis quand je l'ai goûté ce soir-là, j'étais juste sous choc que c'était pas une IPA comme je m'attendais, mais elle était très bonne. J'essaie de dire à Eric, c'est pas pareil. Eric était comme même affaire. Moi, j'aime. C'est écrit IPA là. C'est la même chose. J'aime comment Eric s'imaginait un goût à partir de photos. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais une photo, il y a des descriptions. Ouais, ben c'est ça. C'est incroyable. J'avais lu Mimosa une couple de fois. Ouais, ça ressemble à ça. Je me prépare à ça un peu. Mimosa, le mousseux avec le jus d'orange. Ouais, c'est ça. Non, le rapper. Y a-t-il un rapper? Sûrement, man. Mais ça, c'est un nom. Mais elle, à sa défense, quand même, je l'aime bien. Tu vois... Puis je vais être honnête avec toi, le houblon, je trouve qu'il a quand même ressorti un peu à mon premier roux. Oui, ben, pourquoi pas. Chacun sa manière de goûter. Tu la prochaine bière? Non, j'ai tout un ordre de préétabli, mais... on est OK, oui, la Dunkel... Dunkel. La Dunkel. Pour conclure... un podcasteur professionnel qui ouais, non, mais c'est il a fun, spoté le cue de genre, on va faire avancer le show. Ouais, parce puis que là, ça en piétine. C'est ça. c'est un invité parfait, Dom. C'est ça, le fun. Donc, il y a plusieurs types d'oublonnage. Puis quand il n'y a pas d'amertume, puis on est habitué à avoir une balance entre le côté aromatique puis l'amertume, parce que l'amertume, elle sert à ça. Sinon, tu aurais juste un jus sucré. Mais là, les New England IPA, c'est ça. C'est juste... le côté aromatique. Ce que moi j'haïs pas, mais que là c'est laquelle que là, c'est... là on va boire la Dunkel. Ouais, celle-là moi aussi elle m'excite. Donc le côté aromatique du houblon, s'il y a pas l'amertume, ça peut nous faire penser que c'est moins houblonné alors que des fois ça l'est plus. Ceux-là on embarque dans la vroudine que d'après qu'est-ce que tu m'as expliqué un petit peu. C'est lui l'ingénieur, la Vrouden, hein? Ouais, il y en a beaucoup d'ingénieurs. Mais Vrouden, oui, c'est un ancien ingénieur en milieu alimentaire, je me trompe pas, Carole, tu me... Un ingénieur alimentaire? Dans les milieux alimentaires, c'est ça, Carole, tu me corrigeras si t'écoutes le show. Et qui a parti sa brasserie et qui fait que des styles traditionnels allemands. Oh! Il est génial. Ça sent allemand. C'est une brown ale. Il est devenu de luxe, c'est ça? Non, Newcastle c'est anglais. Newcastle nice c'est anglais, ça c'est allemand. Carole est devenu en moins d'un an un des meilleurs brasseurs au Québec. Il te fait des styles allemands, mais il est motivé. J'ai oublié de lui demander, je l'ai vu la semaine passée, mais j'avais entendu dire qu'il recréait le pH de l'eau en Allemagne pour juste par souci d'authenticité. Oh fuck, fait qu'il va chez Home Hardware, il fait analyser son eau, puis. Bon, c'est facile. Ben c'est facile, je veux dire. On analyse piscine et spa, donc. Et là, des Dunkel, moi j'avais jamais vu ça. On a vu des Dunkelweizen, qui sont des bières de blé brune, mais une lager brune comme ça, j'avais jamais vu ça. Et il te l'a fait, là. Là, on a un corps léger, On retourne dans le traditionnalisme. Ça sent bon, ça, par exemple. Ouais, on retourne dans le traditionnalisme. On est dans une lager brune. En Allemagne, ils sont habitués de boire ça, mais c'est par région. En passant, Olivier, ça fait tellement du bien boire ça après la dernière. Là. Ben, c'est voulu. Je veux pas chier sur la brasserie Morin. Là. C'est une excellente bière, là, je le sais. Mais my God, le contraste, il fait du bien pour moi. Ben, c'est voulu, le contraste. C'est moins sec, maintenant. Oh, my God. C'est comme mielleux, on dirait. Il y a un côté de noisette grillée. Avec le corps léger de la lager, il y a un corps léger parce que c'est une lager, puis le côté noisette grillée de la céréale grillée vient compléter ça, et c'est simple, c'est à peu près ça. Moi, je suis allergique aux arachides de peau noire, je vais-tu mourir à cause de ça? Tu vas pas mourir, okay. Au contraire, t'as la chance d'avoir un goût qui s'approche de ça sans mourir. Seule autre affaire que je peux manger sans mourir, là même, c'est des Cheerios au miel et aux noix. Okay. Fait qu'on a la preuve que Cheerios met pas des vrais noix dans ses céréales. Non, mais compte tenu que t'es allergique, Milton... Non, je sais pas. Mec, c'est pareil. Compte tenu que t'es allergique aux noix, à quel moment dans ta vie tu t'es dit « YOLO, je vais manger des Cheerios au miel et j'en au mangeais... » Tu sais, c'était une grande dépression. J'en mangeais avant, quand tentative manquée. Puis c'est ça. Je vais pas compter le décris-nous le goût de la noix. Il s'est réveillé le lendemain matin, il était comme « Fuck ». Je peux manger des Cheerios. mais attends un peu. On a l'opportunité d'avoir un gars qui a pas goûté ça depuis des années nous décrire le goût de la noix. Ben, sérieux, je sais même pas que ça goûte des noix, techniquement. Ben, c'est pas tout à fait des noix, mais grillé. C'est ça goûte. Le petit côté grillé, ouais. Mais honnêtement, non, elle est très bonne, par exemple. C'est con à dire, mais genre, je la trouve riche. Fait que j'en boirais peut-être pas 15, mais... Asti, que je trouve ça réconfortant, une bière de même. C'est bon, hein? Ouais. C'est vraiment bon, c'est... Tu sais, c'est comme, mettons, là, c'est l'automne, il fait fret, t'as un feu, pis t'es bien. Ouais, c'est vrai. On va donner au Egg, man. C'est une belle bière de barbecue aussi, l'été, mais vu qu'il y a un fond... C'est pas comme une brown ale, comme une Newcastle, par exemple, une brown ale, ça a un fond de ale, puis c'est crémeux, c'est plus riche. Alors que ça, un fond de lager, il y a un côté léger avec la céréale grillée, une bière de barbecue incroyable, une dégustation bière-fromage, ça va aller chercher des notes dans le fromage superbe. Ah, c'est une bière versatile. Une ale, c'est plus épais, là. C'est plus lourd. C'est plus riche. Plus riche, ouais. C'est peut-être pas plus épais ou plus lourd, là, mais c'est définitivement plus riche en saveur. La texture est plus sirupeuse aussi, un peu. Ça dépend comment elle est brassée, mais théoriquement, il y a plus de goût, il y a une richesse de goût qui crée un effet de lourdeur, en fait. Exact. Puis qui se perd là-dedans, qu'on n'a pas là-dedans. Quand tu penses que ça... On avait pas bien, ça, c'est ça, là. Ouais. C'est... On n'avait pas ça il y a 4 ans. Des bières traditionnelles allemandes, aussi bonnes que ça, ça existait juste pas au Québec. Au Québec. Et là, on a accès à ça. Moi, j'ai jamais été en Allemagne. Je pense qu'on n'avait même pas l'accès avant. On l'a fait, en plus. Ben là, il y a quelqu'un qui a décidé de faire ça, puis il le fait super bien. J'ai jamais été en Allemagne, mais j'ai un petit aperçu de la fraîcheur puis de la qualité qu'on peut boire là-bas. Je trouve ça vraiment le fun. Merci, Carole. Merci, Carole. J'apprécie Carole, le fondateur, propriétaire et brasseur de il est tout seul dans le fond. Ils sont pas beaucoup. Il est-tu allemand un peu ou pas? Pas du tout, Carole Duplein, c'est bien ça. Québécois. Y a-t-il un spot qu'on peut se parker aller prendre une bière là-bas? Je pense pas. Faudrait demander. Je pense pas que c'est ouvert. Mais sa bière, elle doit être servie à plusieurs endroits. Ah ouais, c'est ça. Hein, tu vas à Cowansville, c'est sûr qu'il y a une place qu'il y en a. Là. Ça doit même se rendre jusqu'à Sherbrooke, chez Ciboire et puis ces places-là, là, sur Wellington. Là. Claire. C'est sûr, en fait. Il y a maintenant un Ciboire à Montréal. Ouais, j'ai vu ça. Je suis jamais allé à ni un ni l'autre, en fait. Moi non plus. Ouais. Et ça manque à ma culture parce que c'est un excellent bar. Il va falloir que j'y aille bientôt. Je passe devant au moins une fois par semaine pour la pratique de hockey à mon gars qui est à l'Arena Saint-Louis, dans le Maryland, à côté de chez Ubisoft. Puis c'est sur Saint-Laurent, ça, que je passe devant. Tout le temps du monde, tu le quittes, mais je suis jamais... Moi, j'habite en banlieue. Prochaine fois, tu vas porter ton gars. Tu vas porter ton gars à pratique, puis tu vas là. Vas le tourner le chercher. Et en plus, quand je reviens par Saint-Denis, puis je passe devant Arcane Montréal. Hey. Fait que j'ai juste des arrêts bières. Fait que ça a repris. Je suis monté dans le bar avec mon gars, puis l'autre petit gars de l'équipe, parce qu'il fallait que j'aille chercher un nez. Tu veux dire que t'es monté dans le bar avec ton nain? Ouais. Exact. Ton legit nain. Un nain majeur. Oh my God. OK, là, Ça, c'est... Tu l'as dit, je pense, c'est réconfortant. Ouais. Une bière d'automne. Ouais. Puis, Brasserie Morin, oui. Lui, y a-tu sa brasserie, il fait ça, il loue un espace, il a mis ses cuves, il brasse ça, puis il offre ça au monde une fois de temps en temps, ouais. Ça, j'aime bien dire qu'il est nulle part parce que il fait brasser sa bière à Brasserie Générale à Charlemagne, à Québec. OK. Puis ici à Montréal, elle est distribuée par Transbrew qui est Hochelag. Ouais, donc, il est nulle part, c'est en fait. Il est chez eux. Il fait il est chez eux. Il est chez eux. Il fait brasser sa bière par contrat. Mais comment ça marche? À un moment donné, il y a de l'argent de côté. Il dit, bon, ben, je vais me payer un autre batch. Faire des profits. Mais ça, c'est malade. Je ne sais pas. Pareil. C'est bizarre, le processus. Benoît, il ne doit pas faire ça pour l'argent. Parce qu'il doit faire ça juste pour starter sa marque. Puis c'est vraiment des passionnés, ces gars-là. Lui, Benoît, puis Étienne de Vox Populi, avant de lancer leur bière, ils gagnaient back-à-back tous les concours de brassage amateur. Ouais. C'est vraiment des très bons brasseurs. Puis c'est des gars qui sont là par passion aussi. Exact. Un jour, comme moi, t'as envie de vivre de ta passion, puis tu fais le gros move, là. Mais tu sais, c'est pas des gars qui font ça pour devenir millionnaire, là. On fait rien de ça pour devenir millionnaire. Je sais pas si André l'a dit, mais ça, c'est vrai dans passion, tes cordes. Avec la passion, le succès, il suit d'habitude. Ah, ouais, c'est vrai. Ça, c'est... Mais... C'est drôle parce que Dom, il a dit tantôt Newcastle en riant, mais ouais. C'est la première affaire que je pensais en le goûtant. Ouais, mais elle n'a pas le pesant, t'as raison là-dessus. Ben, c'est ça. Tu bois Newcastle... C'est Newcastle, c'est une L, ça, c'est une lager. À 30 ans, peu importe la bière que tu bois, t'es ballonné, mais la Newcastle me ballonne exceptionnellement, mais... Celle-ci, je me sens bien. Même la Honey Brown est comme plus lourde. Hey, comme... Il m'en restait deux dans le frigidaire que je passais au beau-père quand il est à la maison. J'étais comme, hey, tu veux-tu une Sleeman? c'est con à dire, mais je suis plus capable d'en boire quotidiennement. Faut que j'en boive, j'en veux une bonne. Puis... Mais c'est ça que je disais au début, quand je parlais de la Budweiser, les lagers, il y a un côté clean. Mm-hmm. Il y a un côté clean, puis là, dans une bière brune, ça donne ce résultat-là. Hey, moi, ça a été un gros coup de cœur. Quand ils disent « you have some ale », ils veulent tout de la ale. Ouais. Puis tu sais, dans le temps médiéval, c'est la ale. Là, tu penses à une espèce de liquide, un pack sirupeux, lourd, brun. Ouais. Puis, fait ale égale. Moi, je vais te donner une recommandation. Vrai, là. Ça, là, faites-vous une fucking grosse cuve de chili, là. Un chili homemade là, avec des bines puis de la kit, de la cassanande un peu dedans là. Prévoir du papier de toilette, et un pantalon de rechange. Mais ça je te jure, un bon bol de chili chaud là, mais pas genre je l'ai fait, je l'ai mis au congélateur puis je l'ai ressorti puis frais là, puis une bière de même là. Fuck man, je suis bien. C'est pas trop épicé parce que ça coûtera pas le piquant. Non, c'est ça. Mais ben, mon chili est jamais trop juste médium. C'est ben le go-bot des chilis, là. Il faudrait que j'en fasse pour ramener au Wegg, man. Grosse queue si de chili, man. Ouais, mais ça dépend. Je sais pas. Tu mets un bol avec des chips, puis c'est comme... Ah ouais, dipé dans puis on finit Megaman, c'est sûr. Hey, ils vont s'en passer des affaires. Oh, fuck. Mais ça, c'est ce que j'aime, par exemple, pour juste faire un petit aparté, vite, le Wegg, c'est le Weekend Gaming, et puis c'est une gang, une trentaine de gauchos cette année, même, qui vont dans un chalet à Tremblant. Deux chalets même, puis on met des consoles de jeux partout, puis on game toute la fin de semaine. Puis ce que j'aime, c'est que le WEG, tranquillement, vu que plusieurs d'entre nous se développent un plaisir de la microbrasserie, ben on a des produits de qualité de plus en plus dans les WEG, puis on a du jerky de qualité, tu sais. On amène de la bouffe, tu sais, c'est pas, comme... C'est plus juste des pogos puis des crêpes de fromage, non, c'est rendu ça. Genre ben, de la bonne bière ça, et de la bonne mais il y a aussi, tu sais, du stock premium. Et là. Des pogos et des crêpes de fromage. Ben, tu sais, la mode est à ça, la gourmandise de qualité. Exact. Hey, même et le popcorn. Et IGA qui développe leur section, là, microbrasserie, c'est huge, là. Ça dépend lesquels, là. Ben, ouais, il y en a que c'est correct, il y a juste le brasseur du monde, là, ça prend une absence de compétition aux alentours, puis un gérant d'épicerie motivé. Moi, je te dirais, tu sais... Mais il y en a de plus en plus, genre, passer. Le seul bon côté de mon move... Je peux quasiment dire que j'habite en région à cette heure, mais mon move d'être là, c'est que je suis proche de l'abbaye d'Oka. Abbaye, je pense. Mais tu sais, c'est comme. C'est à 5 minutes de la maison en char. Fait que bon, ben, m'aller m'acheter un fromage random, un pâté fucking succulent, des. saucisse de chorizo, de sanglier, de whatever. Tu reviens chez vous, t'as fait, ça a coûté 50$, mais I have no regrets. Puis tu bouffes, puis après ça, tu dors en râlant. Quand c'est bon. Ah ouais. Juste noter une petite erreur de ma part qui est quand même pas pire, c'est qu'on a 6 bières au lieu de 5. Hey boy, puis là, on est rendu à 3. Ouais, à 3. OK, ben c'est génial. On avance.